Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission où l'on discute des films qu'on a vus durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 52, enregistré le 14 décembre 2019. Je suis Axel, un des hôtes de ce podcast, mais je ne suis pas seul, car j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, d'abord Eddy, puisque vous le connaissez, il est là toutes les émissions, donc je vais d'abord le présenter. Salut Eddy, ça va ? Salut, ça va. Super. Et nous avons un retour parmi nous. Il n'a pas enregistré avec nous depuis le Movie Nerd 50, qui était en avril ou mai, on sait jamais, et qui parlait de Avengers Endgame. Et du coup, il est de retour puisqu'il a enfin un PC. C'était la quête du PC jusqu'à novembre. Surtout que t'as accepté mes tarifs maintenant. Voilà, aussi. Ça, on a dit qu'on n'en parlait pas à Morgane, s'il te plaît. Mais du coup, Morgane, voilà, il est là. Il est de retour. Salut Morgane. Coucou. Comment tu vas ? Bah bien, ça fait plaisir quand même de revenir. C'est vrai que la dernière fois c'était Avengers, ouais. Ouais, Avengers Endgame avec Quentin d'ailleurs, qu'on salue. Et ouais. La fête est finie, quoi. C'était ça. Je sais pas comment je dois le prendre. C'est un peu cryptique. Il aime pas la concurrence. Mais non, c'est parce que j'ai pas aimé le dernier Malick. Du coup, même s'il l'a pas vu, il m'en veut. Il m'en veut. Je sais pas si on peut vraiment parler de concurrence, mais bon. Je répondrai pas à ça. J'ai décidé. J'ai décidé de finir l'année avec beaucoup de diplomatie. Donc, crash ta haine, vas-y. Hein. Ça commence très bien, c'est parfait. Ok, du coup, je vais faire rapidement le sommaire, puisque du coup, on va parler des films du mois de novembre. On aura un podcast sur les films du mois de décembre aussi, prochainement. Et du coup, on commencera avec la Selec. On va parler, entre autres, il y a beaucoup de films, hein, The Irishman, Klaus, La Belle Époque, À Couteau Tiré, Chanson Douce, Le Roi, J'accuse et The Lady and the Tramp, plus un retour pour moi sur la plateforme Disney+, puisque vous savez que j'ai infiltré la matrice de Disney via des techniques un peu secrètes, que je ne dévoilerai pas ici. Voilà, et du coup, ensuite on aura le film du mois, qui concernera La Reine des Neiges 2. Un gros film de novembre, même s'il est sorti fin novembre. Ça aurait pu être The Irishman, hein, mais il n'y a que moi qui ai bien fait mon boulot. Donc voilà, le problème. Ça aurait pu être à couteau tiré aussi. Hein. Le problème, c'est que The Irishman, deux d'entre nous n'a pas eu le temps de regarder 3h30 de film. Et il y en a un qui n'a pas envie aussi. Voilà, on dira pas lequel. Non, mais ça bon. Fait mauvais cinéphile. Ça. C'est ça. Du coup, on finira avec La Minute Nerd de Morgane. Voilà, donc il rigole déjà, donc bon, on l'a pas trouvé en plus. Non, mais en plus, on sait ce que c'est, donc c'est quand même bizarre que tu rigoles, mais c'est pas grave. Et du coup, on est parti tout de suite pour la Selec, c'est parti. On est à la première rubrique de ce podcast qui est la Selec et du coup on va commencer avec Eddy qui va nous parler de Le Roi. Vas-y. Voilà, je sais pas ce que t'attendais de plus. Je sais pas. D'ailleurs t'as fait une critique sur le site, on peut le dire. Voilà. Donc Le Roi qui est un film de David Michaud qui avait réalisé... Il froide. Et ça commence. J'ai pas osé la faire. Qui avait réalisé The Rover avec Robert Pattinson et Guy Pearce. Un film canois de 2014 que je n'avais pas vu parce qu'en fait je m'étais endormi devant. Voilà. Ça arrive. Donc, voilà, c'est ça. Donc, quand je ne le vois pas, quand je m'endors devant, en général, j'en parle pas. Surtout que s'endormir dans une Rover, c'est dangereux. Donc voilà. Et alors, je ne sais pas si je vais tenir jusqu'au bout. Hein. Je ne sais pas. Vas-y, on va tester. Donc, c'est l'adaptation d'une pièce de Shakespeare. Ouais. Henri V. Henri V, ouais. Et c'est interprété par Timothée Chalamet. Qu'on retrouve partout, en fait, hein, maintenant. Oui, c'est un peu... Et donc oui, au casting, il y a Timothée Chalamet, il y a Robert Pattinson, Joel Edgerton et la fille de Johnny Depp, Lily Rose. Lily Rose Depp. Et celui qui joue le vilain dans Rogue One et dans Rogue One et dans Ready Player One. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ben Mendelsohn, je crois. C'est ça. Voilà. Donc bon, il y a un casting voilà quand même qui va plutôt bien. Donc après, pourquoi c'est intéressant? Déjà, je trouve que c'est intéressant en termes de reconstitution. Parce que c'est assez bien fait. C'est très comment dire? Alors forcément, c'est les dialogues et tout, il y a pas de souci parce que vu que ça reprend Shakespeare pour la plupart, c'est suffisamment riche et agréable à l'écoute et puis intéressant dans le fond aussi parce que au-delà du simple film historique, ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est que finalement c'est un roi très moderne tel que la pièce le décrit. Donc forcément ça crée quelque chose d'assez intéressant. Plus en termes de contexte parce que ça se passe fin du Moyen-Âge et forcément c'est pas, on sait que le Moyen-Âge n'est pas l'époque d'ouverture d'esprit la plus importante qui soit, c'est plutôt tout le contraire. Donc voilà, donc il y a quelque chose vraiment d'intéressant à ce niveau-là et puis c'est surtout que c'est un roi qui ne voulait pas l'être au départ. Qui est le premier dans l'ordre de succession, mais qui au départ voulait abdiquer, enfin qui ne voulait pas prendre la suite, sauf qu'il va se retrouver qu'il n'aura pas le choix, et contre toute attente, il va prendre ça à cœur et il va faire les choses bien, tout en amenant du coup une politique beaucoup plus ouverte et moins pas autant conservatrice que ça l'est en général dans une monarchie, quoi. D'accord. Donc il y a tout un dans les dialogues, dans plein de choses, il y a tout un jeu de confrontation comme ça entre le nouveau, l'ancien et le par exemple tous ces généraux qui sont pas du tout, enfin ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Et lui il est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus donc c'est très intéressant et Chalamet le tient très bien, ce personnage là. Et après, là où c'est vraiment intéressant, et ça c'est ce qu'on peut voir dans The Rover, donc dans la partie que j'en ai vue, c'est la réalisation. En termes de photographie, en termes de mise en scène et tout, c'est assez fort. Donc voilà, donc c'est un film Netflix qui est sorti sur Netflix le 1er novembre, que je conseille parce que c'était vraiment, moi j'ai vraiment trouvé ça bien. Ça a été une bonne surprise et voilà. Après, c'est un film qui est plus bavard que dans l'action, mais moi vraiment, j'ai eu aucun souci à le suivre. Donc voilà, je le conseille fortement. D'accord, très bien. Et si vous voulez voir Robert Pattinson jouer le français qui doit parler anglais avec un accent français, c'est formidable. D'accord. C'est très très drôle. Ok, ouais, ça annonce déjà la couleur. Ah oui, oui. très bien. Moi, j'ai très envie de le voir, en tout cas. Du coup, Morgane, on va passer à toi et tu vas nous parler de La Belle Époque. Oui, La Belle Époque dans... 3 secondes, voilà, je retrouve mes notes. Donc, La Belle Époque, donc c'est le nouveau film de Nicolas Bedos qui avait déjà fait sensation, c'était en 2017 ou en 2016, je ne sais plus, avec Monsieur et Madame Adelman, qui avait énormément plu, à moi le premier d'ailleurs. Moi qui suis vraiment fan de Nicolas Bedos, je trouvais que ce film-là lui ressemblait et j'attendais beaucoup de ce film-là, surtout par rapport à son synopsis, dont je vais juste vous lire les lignes sur le ciné parce que c'est un film qui est difficilement résumable en fait. C'est Victor, un sexagénaire désabusé qui voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d'un nouveau genre. Une attraction qui mélange artifices théâtraux et reconstitution historique. Une entreprise qui propose donc à des clients de replonger dans des époques de leur choix. On appelle pas ça l'animus ? L'animus, c'est quoi ça déjà? Ah oui, oui, oui, d'accord, oui, j'ai compris, oui. Assassin's Creed, oui, oui. Non, non, parce que là, non, l'animus, ça va sur la trace de tes ancêtres. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est voilà. De l'ADN. Et donc là, dans le cas présent, donc Victor choisit donc de revivre la semaine la plus marquante de sa vie, celle où 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour. Donc en gros, c'est comme si que moi, pour résumer, c'est comme si que moi, j'avais envie de passer une soirée pendant un repas de... Il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Non, même à l'époque de Louis XIV. Du coup, l'entreprise vont m'inviter dans un décor plus vrai que nature avec des acteurs qui vont jouer des personnages de l'époque. Mmh. Et où je vais... Ah oui, il n'y a aucune technologie là-dedans. Aucune technologie, c'est que du décor, que du théâtre. Donc forcément, ça dit beaucoup de choses. En plus de ça, Nicolas Bedos est quelqu'un qui vient du théâtre. Donc le film est vraiment très pertinent à ce niveau-là. Donc au casting, on retrouve Daniel Auteuil. D'ailleurs, le retour fait vraiment plaisir parce que je trouve que c'est un acteur qu'on on l'a un peu oublié, Daniel Auteuil, ou lui s'est un peu perdu, je sais pas. Et puis qu'on le sous-estime un peu, je pense. Peut-être qu'on le sous-estime, mais aussi qu'on lui propose peut-être plus des choses intéressantes. Et là, dans ce film-là, il retrouve son humanité, son émotion qui faisait, enfin, toute sa tendresse, quoi, qui fait que j'aime vraiment cet acteur-là. On retrouve Doria Tillier, donc l'ex-copine de Nicolas Bedos, qui est son acolyte de cinéma. Elle est vraiment géniale, cette actrice. Je la trouve pétillante, drôle. Guillaume Canet, même si je l'aime pas beaucoup, hein, mais là, c'est purement subjectif, mais il est très bon, il se débrouille bien. Et surtout, Fanny Ardant. Et Fanny Ardant, bah, probablement la voix la plus sexy de France. Clairement, j'adore cette actrice. Oui, c'est génial. Ouais. Un petit côté Marie-Alice Young aussi quand elle parle. C'est vrai. Enfin, oui. Bah, la doubleuse de Marie-Alice Young. Oui, Françoise Cadol. Voilà. Voilà. Donc, les attentes que j'en avais, c'était, comme je dis, beaucoup d'attentes parce que je trouvais qu'un postulat comme ça, forcément, moi, ça suscite ma curiosité. Surtout, dans le cinéma français, on a un peu tendance à trouver que. Bah, que c'est un peu à la ramasse. Et là, en fait, avec la promesse de Bedos à la réalisation et au scénario, ça promettait des choses formidables. Et c'est exactement ce que j'ai eu. On a clairement un Truman Show à la française, c'est-à-dire un film qui mélange réalité et fiction, à tel point que, comme The Truman Show, on sait qu'on est dans une fiction, on sait que c'est du fake, mais on y croit. Mm-hmm. Et c'est justement là la force du film. C'est un film qui... Truman Show. Ou même ici, en fait, c'est vraiment les mêmes qualités. Dans Truman Show, on sait que c'est du faux, on sait que c'est des faux décors, mais on y croit. Et justement, ça, c'est un film qui dit beaucoup de choses sur l'art. Ça questionne l'art avec beaucoup de profondeur sur l'évolution de l'art aussi, les avancées technologiques, qu'est-ce que ça permet. Donc, ça permet de replonger dans des époques qui sont totalement révolues. Ça pose des questions aussi sur les artistes qui le composent, parce que comme ce sont des acteurs, et Doria Tillier, en fait, va jouer, parce que c'est, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est Daniel Auteuil en fait qui va replonger dans l'époque passée, et Doria Tillier va jouer Fanny Ardant jeune, parce que dans le présent, Fanny Ardant et Daniel Auteuil, c'est un couple qui viennent de rompre. Et d'ailleurs, le tout début du film, c'est une pure scène de vaudeville où Daniel Auteuil et Fanny Ardant s'envoient des vannes, mais d'une violence absolument incroyable. Et c'est surtout magnifiquement dialogué. Et à ce moment-là, on reconnaît évidemment la patte de Bedos, quoi. Il y a le goût du verbe, le goût de la punchline. C'est s'envoyer des méchancetés les plus infâmes les unes que les autres. Et c'est super drôle. Et en même temps, c'est très touchant. Donc du coup... Comme c'est un personnage qui est malheureux dans la vie d'aujourd'hui, il va avoir cette envie de revivre cette semaine qui a bouleversé sa vie à 40 ans. Et Doria Tillier joue sa femme plus jeune, enfin joue Fanny Ardant jeune. J'avais peur que ça me dérange et en fait, on y croit vachement. Mmh. Et du coup, c'est ça en fait qui va se dessiner, c'est qu'il va revivre cette période qui a changé sa vie et il va... non seulement la revivre, mais il va retrouver les mêmes émotions. Il va à nouveau retomber amoureux. Sauf que Daniel Auteuil va en gros retomber à nouveau amoureux de sa femme, sauf que sa femme est une actrice. Ouais. Et donc, on voit aussi le off dans tout ça. On voit que Doria Tillier est une actrice qui a des problèmes avec Guillaume Canet, qui est en gros le metteur en scène de tout ça. Ça pose des questions aussi sur l'art. Parce que quand un acteur campe un personnage... Une fois qu'il se débarrasse du personnage à la fin de la journée, qui il est, qu'est-ce qu'il devient? Et c'est un film qui pose beaucoup de questions là-dessus, qui parle de la sensibilité des artistes sur, on oublie souvent que, bon, c'est peut-être un peu naïf de dire ça, mais derrière chaque acteur, il y a des humains et ils ont des émotions et il faut aussi en tenir compte. Il y a un petit cœur qui bat. Ça dépend quel humain, ça dépend quel acteur aussi. Non, parce que Terrence Malick, c'est pas un humain pour nous faire subir ça. Je rigole. Mais dans le même style, il y a une série qu'on parle très bien, c'est 10%. J'ai pas vu et il paraît que c'est super, ouais. Oh bah 10% c'est génial, hein. Honnêtement, série française de qualité pour le coup. Mais est-ce que les acteurs dans 10% jouent leur propre rôle, enfin ils... Bien sûr. Ah oui, alors que là non, là c'est voilà. Mmh. Mais c'est ça qui est bien dans 10%, c'est que du coup il y a beaucoup en plus d'autodérision. Mmh. Et ouais, c'est bah du coup je note parce que ça me donne vraiment envie. Je crois que les saisons sont toujours sur Netflix, mais ça ça va pas durer, hein, donc. Mmh. Mais non, c'est pas qui très produisait ça, c'était Canal Plus, c'est France. Non 2. Non non, c'est France Télé. D'accord, ok. Mmh. Donc justement, c'est suffisamment rare pour être souligné. Oui. Ouais. Donc du coup, pour en revenir au film, bah, comme je disais, c'est un film qui questionne l'art et l'humain, et sur l'art aussi, sur sa capacité à éveiller les souvenirs de chacun. Nous, parfois, on regarde des films, et rien que revoir des films, ça nous replonge dans un contexte, dans notre enfance, on retrouve... Et c'est ça aussi... Ouais. Ouais. Moi j'ai eu un éclair de Jésus, je me suis dit, mais merde, j'ai pas vu Jurassic Park cette année encore. Ah. Et du coup, avec la télé 4K, il y avait, enfin, toutes les excuses étaient réunies pour le revoir. Donc, voilà. Et bah, c'est drôle que tu parles de ça aujourd'hui parce qu'effectivement, ouais, non, mais c'est clair, je suis retombé en enfance comme à chaque fois, en fait. Et le film en parle vraiment très bien. Et là, en plus, là où c'est très fort, c'est que plus que de regarder, on revit carrément. Et moi, en plus, très attaché à ça, aux souvenirs. Je suis quelqu'un de très nostalgique. Et c'est vrai que j'enviais ce personnage, je me disais, j'aimerais tellement moi aussi revivre une période de ma vie. Surtout qu'en plus de ça, pour un peu développer sur le postulat, ils font en sorte que tout paraisse vrai, comme si, comme quand tu l'avais vécu. C'est-à-dire, si admettons, tu as le souvenir d'avoir été dans ce bar-là et d'avoir entendu cette musique, eh ben, ils vont aller chercher cette musique-là, ils vont reconstruire à l'identique les images de ce bar-là, au dialogue près. C'est absolument mais bourré d'idées. Enfin, c'est un tour de force en matière de mise en scène. Et tout ça avec un sens du verbe qui est irrésistible, mais c'est propre vraiment à Nicolas Bedos. Et d'autant Bedos. Plus qu'après, ce qui doit être assez particulier quand même, c'est parce que quand on se souvient de quelque chose, on idéalise souvent, en fait. C'est exactement donc, ce que il doit revivre tout ce qu'il doit revivre, c'est finalement assez éloigné de ce qu'il a pu vivre lui. Alors en fait pas vraiment, mais un peu quand même, mais je peux pas trop développer non plus. Et à côté même les seconds rôles sont attachants. T'as même Pierre Arditi qui joue aussi, qui comme Daniel Auteuil, quelqu'un qui va revivre dans le passé, et en fait il a jamais pu parler à son père, et là justement il va changer grâce à l'art son propre passé, un peu ce que fait Tarantino d'ailleurs dans ses précédents films par exemple. Oui, effectivement. Donc, c'est excellemment, enfin il y a beaucoup de trouvailles, il y a beaucoup d'idées, c'est vraiment un retour en force, surtout pour Daniel Auteuil, comme je dis, que j'avais pas vu autant bouleversant depuis des années, Fanny Ardant radieuse comme jamais, et clairement c'est un des plus beaux. Je suis incapable de dire quand est-ce que j'ai vu Fanny Ardant pour la dernière fois dans un film. Alors moi je revois souvent 8 femmes, donc je te dirais 8 femmes. Oui, ça devait être ça en plus. Mais pareil, c'est une actrice qui a un sens comique aussi. Elle a ce côté un petit peu classe, un peu élégante. Mais c'est une actrice, et Nicolas Bedos en parlait aussi pendant la promo. Elle a un humour un peu corrosif et tout. Et elle jubilait de jouer dans ce film. Et elle s'amuse, ça se voit. Donc clairement, c'est un des plus beaux films français de l'année. C'est un film qui a de l'ambition, qui est maîtrisé. Ça va jusqu'au bout de son truc. Il y a peut-être un petit moment donné, une scène qui est un peu longue. C'est une scène de fête qui est très belle d'ailleurs, où Nicolas Bedos fait renaître une musique que j'adore qui s'appelle Yes Sir I Can Boogie. Cette musique est superbe, j'adore. Et autant là, bon, la scène est un petit peu longue, s'étire un petit peu, mais c'est pas grave. C'est clairement un des plus beaux films français de l'année. J'espère qu'il ira au César, et ça me donne énormément confiance en Nicolas Bedos pour OSS 117.3, parce qu'il va le faire. Il va l'écrire. Oui, c'est vrai, c'est lui. Ouais. Et je prends les paris. Il sera meilleur que les deux premiers, parce que Nicolas Bedos a encore moins peur qu'Azanavicius. Nicolas Bedos, il est encore plus corrosif. Est-ce qu'il sera meilleur ou est-ce qu'il sera différent, tout simplement? Je pense qu'il sera un peu différent, mais bon, moi je pense que je vais le préférer parce que l'humour de Bedos, ça marche à chaque fois, quoi. Enfin, clairement. Et tu l'avais vu du coup, Monsieur et Madame Adelman? Ah oui, j'avais adoré, ouais. Et Bedos, c'est un excellent acteur, c'est un excellent scénariste, un excellent réalisateur. C'est un mec que j'adore, je l'ai toujours défendu. Il fait un peu polémique parce que c'est un personnage de télé un peu provoquant, mais je le trouve... Oui, bah, ça, comme son papa, quoi. Je le préfère au papa, clairement. Mais c'est un film incroyable, et franchement, voyez-le. Je pense que si vous arrivez à le voir avant la fin de l'année... Ah bah non, quoique non, il est peut-être pas disponible. Enfin bref, on va pas parler de méthode. Ça sera compliqué, je pense. Ouais. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à le voir parce que j'espère qu'il ira au César parce qu'il le mérite. C'est un super film, vraiment. Et en plus, il fonctionne. Il cartonne, je crois. Donc, en tout cas, il marche bien. Ouais, il a fait beaucoup d'entrées. Hein. C'est vraiment un point. Enfin, à chaque fois. Tu l'as pas vu, Axel? Non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. J'ai pas eu le temps d'aller voir. Je suis allé voir Chambre 212 à la place et je le regrette, tu vois. Là, ça se passe aussi dans un hôtel, la Belle Époque. Ouais, et puis, ouais. Mais tu l'as vu aussi, Chambre 212? Non, mais non, c'est Honoré. Ouais. Donc non. Oui, voilà. t'as tout compris. J'en ai parlé dans le dernier podcast. C'était. Ouais. Voilà. Bref, non, je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs. Non, mais en tout cas, ça donne très envie de le voir, La Belle Époque. Et je sais que quand j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait titillé parce que je me disais, c'est le même principe que Truman Show, quoi, mais un peu différent. Et ouais. Oui, moi, c'est différent. C'est pas... genre de. Oui, non, c'est pas le Truman Show parce que c'est pas quelqu'un qui est emprisonné contre son gré. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir rester emprisonné. Contre son gré. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc. Ça se dit pas. Je sais, c'est... Non, c'est que je sais. Enfin, oui, Truman Show, oui, pas forcément au départ, il le sait pas. Enfin... Oui, mais. Enfin, oui, bien sûr. Il va vouloir en sortir alors que là, il sait au début. C'est ça qui est bien dans le film, c'est qu'au début, on est comme Daniel Auteuil, on voit les détails. Par exemple, c'est tellement subtil. Il est dans un faux quartier, il touche le mur, il voit que les briques, c'est du papier peint. Au début, on est pareil, on voit le trucage. Ouais. Petit à petit, on se laisse et on est mieux avec lui dans ce passé. Il y a une espèce de mise en abyme. Ah, c'est génial, c'est génial. Ah, j'ai envie de le revoir. Je me suis convaincu de vouloir le revoir, tiens. Ok, bah super. Le mec, oui, c'est ça, il s'est convaincu lui-même d'y aller. Il doit avoir des conversations avec lui-même pour revoir des films. Est-ce que vous êtes ma conscience? J'ai même amené mon copain qui n'est pas un grand cinéphile dans l'âme, il a vraiment adoré. Voilà. D'accord, très bien. Super. Du coup, moi, je vais parler de J'accuse. Pédophile. Voilà, tout ce que je voulais éviter tout de suite. Non, mais comme ça, la polémique est sortie. Comme ça, c'est fait. On s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais moi, je vais parler uniquement du film. Voilà. Du coup, le film est vraiment une réussite formelle, moi, j'ai trouvé. Le visuel est très plaisant, comme le laissait prétendre la bande-annonce, qui m'intriguait, en fait, parce que il y avait l'air d'avoir un savant mélange de plans aux grands angles d'envergure et du plan plus resserré intimiste. La mise en scène avait l'air assez folle, oui, dans la bande-annonce. Ouais, et ça se confirme, ça se confirme vraiment dans le film. D'ailleurs, ça me faisait énormément penser à Path of Glory ou Les Sentiers de la Gloire en français, de Stanley Kubrick. Et donc, du coup, ça s'est confirmé. Et ça se confirme parce qu'il y a plusieurs parallèles, en fait, moi, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs parallèles avec ce film, J'accuse et Path of Glory, puisque ça critique les politiques militaristes, les hautes sphères militaires. Il y a un procès pour trahison, etc. Et c'est également un seul homme qui essaye de rétablir la vérité pour un autre homme, pour d'autres hommes. Donc, il y a pas mal de parallèles qui sont assez intéressants, en plus du fait que visuellement, il y a des plans qui font penser. Donc c'est très intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup Les Sentiers de la Gloire. Hein. C'est un de mes Kubrick préférés. Du coup, le film m'intéressait aussi pour son histoire. Histoire avec un grand H. L'histoire avec un grand H, moi, j'y connaissais... Enfin, je connaissais ce qu'on m'avait appris en classe, quoi, que... Tu n'avais que la version des livres d'histoire. C'est ça, voilà, que Dreyfus était accusé à tort. Et comme j'habite en Alsace, je savais qu'il était né à Mulhouse. C'est tout ce que je savais. je savais. D'ailleurs, il dit Mulhouse dans le film. Et quand vous êtes non, pas Mulhouse. Non, et quand vous êtes dans une salle à Mulhouse et qu'on dit Mulhouse, ça fait... Oh, ah ouais. Ah bah, sérieux? Oui, non mais voilà. C'est pareil. C'est vrai que moi, j'ai rarement l'occasion d'entendre ça dans les salles où je vais. Ouais. Dans le film, Axel, ils disent Rouen. Ils disent qu'il est, oui, est parti se planquer à Rouen. Nous, on dit Rouen comme nous. Ouais. Bah, oui, on y vit, bande de cons. C'est marrant, c'est un parallèle entre nous, tu vois. C'est chauvinisme. Non. Du coup, le scénario est superbement ficelé, ce qui le rend très intéressant à suivre. L'enquête nous fait suivre un personnage, du coup, qui est Georges Picard, qui est interprété avec grande justesse par Jean Dujardin, qui allie avec subtilité et brio le côté froid, procédural et plutôt antipathique du personnage, puisqu'il se présente dès le début du film comme un antisémite, hein, clairement. Mais... Ah oui. Il aime pas les juifs, hein, clairement, et tout le monde. La raison. Ouais. et tout le monde autour est un peu de son avis. Du coup, ce personnage qui a ce côté froid, antipathique, Il a aussi son côté plus sensible et profondément justicier, puisqu'il est vraiment contre l'injustice. Il a quelque chose de viscéral contre l'injustice. Alors, oui. Ce qui est assez paradoxal, finalement. Voilà, ouais, justement. Et du coup, ce personnage est le point d'ancrage du spectateur pendant tout le film, qui va essayer, par tous les moyens, de prouver l'innocence d'Alfred Dreyfus. Pas parce que... il découvre la machinerie militaire dont Dreyfus a subi, et du coup c'est juste pour ça qu'il veut innocenter Dreyfus, et pas parce que il a été accusé parce qu'il était juif, quoi. C'est plutôt un parallèle assez intéressant à voir. D'ailleurs, du coup, Alfred Dreyfus, qui est interprété par Louis Garrel, qui est en superbe forme et qui, en plus de ressembler physiquement à Alfred Dreyfus, Il le peint d'une manière sublime et tout en nuance. Du coup, en quelques minutes, on se retrouve plongé dans cette France fin 19e siècle, qui, comme je l'ai dit juste avant, qui par de nombreux aspects fait peur à voir et qui fait malheureusement beaucoup écho à la France d'aujourd'hui. C'est ce qui rend ce film d'époque si moderne, en fait, et tellement dans son temps, parce que le fait de voir à l'écran des personnages qui nous semblent d'un autre temps, qui vivent dans un monde qui semble si technologiquement reculé d'une autre, et dire des choses qui sont absolument atroces, mais qui se produisent encore aujourd'hui sous des formes différentes, c'est assez désolant et déprimant. Et en cela, le film, dans son but de ne pas nous faire oublier le passé et de nous rappeler que celui-ci a des tendances à se répéter, réussit sur toute la ligne, je trouve. Heureusement, la fin donne un semblant d'espoir, qui ne nous fait pas repartir de la salle en nous disant que tout est foutu et qu'il n'y a plus rien à faire. Le film m'a énormément plu, m'a beaucoup fait réfléchir et continuera de le faire, je pense, pour un moment. Il a beaucoup de choses à raconter, et le fait en fait d'une manière très didactique et non moralisatrice. Les personnages entre guillemets gentils ne sont pas tout roses, et les personnages entre guillemets méchants ne sont pas les pires salauds de l'univers, et avec une patte visuelle qui le rend cinématographiquement très intéressant. Peut-être un des meilleurs films historiques que j'ai vu depuis assez longtemps, en fait, dans sa retranscription et dans sa mise en scène de cette époque. Voilà. Et du coup, moi, je vous le conseille, en fait, si vous intéressez à cette époque, et même si vous aimez les enquêtes policières bien ficelées, je trouve que ce film réussit très bien sur ce point de vue aussi. Donc voilà. Morgan, toi, tu l'as vu aussi? Moi, je l'ai vu et clairement, j'ai adoré. Voilà. Ouais. Je sais que, bon, voilà, je rigole un peu. Enfin, je rigole. Faut pas rire de ça, mais c'est vrai que, bon, on a. D'ailleurs, j'ai même avoué quelque chose. Pour voir ce film, j'ai réservé une place pour La Belle Époque et je suis allé voir J'accuse. Voilà. Bon, ma conscience, voilà. C'est vrai que c'est un peu délicat d'aller voir ce genre de film, mais il m'intéressait. Je peux pas faire semblant. Bah, oui. Et c'est vrai que je reconnais quand même. Enfin. J'en parlais j'ai pas avec... compris pourquoi. Parce que bah voilà, l'idée de je voulais pas, on va dire, je voulais pas entre guillemets donner de l'argent à ce film. Voilà, c'est ah oui, d'accord, rapport. Ok. Voilà, donc ah j'ai oui, préféré. D'accord, j'ai compris. Le... J'ai préféré réserver pour La Belle Époque. On m'a scanné mon ticket et je me suis barré dans la salle d'à côté. Et voilà, d'ailleurs. C'est voilà. Ça. C'était voilà, et comme ça Bedos a un peu plus d'argent grâce à moi. Donc en tout cas sur le film non, j'ai vraiment adoré, et je trouve quand même que dès le début j'ai été cueilli. Ouais. C'est très didactique, mais c'est passionnant. Je trouve que il y a quand même un sens de la mise en scène malgré tout chez Roman Polanski qui est respectable et qui est admirable, j'ai envie de dire. Rien n'est laissé au hasard, la façon dont les personnages... Il y a une dualité entre les personnages, notamment vers les scènes de procès, vers la fin. Ouais. Comment les personnages s'adressent. Grégory Gadebois et Dujardin ne se regardent même pas. Et on sent le conflit entre eux. Ouais. C'est vraiment passionnant. La tension est vraiment la palpable. La tension, hein, tu le sens. Et moi, je ne connaissais pas trop l'affaire Dreyfus. Enfin, vraiment, les grosses lignes, quoi. C'est comme moi, quoi. C'est vraiment... Ouais, voilà. Et encore, je crois que j'en connaissais un petit peu moins. Et franchement, j'ai trouvé ça passionnant et incroyablement bien réalisé. Après, bon, je sais pas si c'est mon film de l'année ou autre, ou un de mes films de l'année, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est un film que je conseille néanmoins. Je peux pas faire semblant de. Je mais dirais non, pas mais... d'aller. Non, c'est un bon film, j'avoue. C'est un très bon film, même. Excellent. Ouais, voilà, donc, c'est ça. On et parle... Dujardin, qu'est-ce qu'il est bon. Oh, il mais... est bon. Ouais, ouais. Franchement, là. D'ailleurs, c'est plus un film sur Dujardin que sur Dreyfus lui-même. C'est plus un film sur Picard que sur c'est clair. C'est clair, puisque Dreyfus, on le voit pas si souvent que ça. Puisque en même temps, Dreyfus, quand il est emprisonné, bah, il fait quoi vit sa journée. On le voit qui se fait d'ailleurs torturer par les personnes qui le gardent sur l'île, je sais plus maintenant quelle île il a été. Voilà, le film a très bien réussi, j'ai tout retenu. Mais il est emmené sur une île pour sa peine, en attendant son procès, quoi. Et du coup, on le voit qu'il est torturé là-bas. Et bon, bah, à part passer sa journée sur l'île, ça aurait été pas très intéressant comme film. Donc, non, c'est voilà, c'est du coup, Jean Dujardin, ouais, c'est plus un film sur Picard, c'est clair. Ouais, et toute cette époque. Ouais, en termes de reconstitution, c'est vraiment une. Comme je dis, c'est une leçon d'histoire et une leçon de cinéma en même temps, quoi. Mmh. C'est vraiment excellent. C'est vrai, voilà. Donc, on vous le conseille, malgré tout. Oui, malgré tout. Voilà. Du coup, Morgan, toi, tu vas parler de À couteau tiré. À couteau tiré, déjà ? Bah oui, donc. Déjà. Hein. Alors, À couteau tiré, donc le nouveau film de Rian Johnson. Alors, si je vous dis Rian Johnson... Ouais, Star Wars 8 certains vont dire « Ah, oh, trop bien !» Certains vont dire « espèce de traite, ça le vendu Mais escroc, t'as brisé Star Wars. Espèce de fan débile, surtout. Après, je peux comprendre. C'est vrai que pour moi, Star Wars 8, c'est clairement le mal aimé. C'est le Star Wars mal aimé plus que la nouvelle trilogie. Hein. Enfin, l'ancienne nouvelle trilogie. Ouais, la prélogie, voilà. Moi, j'aime beaucoup Star Wars 8. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes. Surtout que Rian Johnson nous offre pour Noël un film Cluedo, clairement. Enfin, c'est pas l'adaptation Cluedo, mais c'est un film qui repose sur le principe du Cluedo, autrement appelé le Wooden It. En gros, qui a fait le coup. C'est un peu du Agatha Christie, quoi. C'est meilleur qu'Agatha Christie, clairement. Ouais, non, il y a surtout une promesse en termes de casting, hein, pour les citer. Il y a Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Don Johnson, Michael Shannon. Daniel Craig qui joue le rôle de Benoît Blanc, le détective privé qui va devoir le fils de Michel Blanc, oui, c'est ça. D'accord. Et Gérard Blanc et le cousin de Juste. Juste le Blanc, oui, c'est ça. Et également une actrice que je ne connaissais pas qui s'appelle Ana de Armas, qu'on retrouve dans le prochain James Bond, donc No Time to Die, je préfère dire le titre en VO. Oui. L'histoire, c'est classique. Hein. C'est un riche écrivain très retraité qui est joué par... Très retraité. En gros, qui est très vieux, quoi. Il a plus de 80 balais. Ouais. Qui, je vais pas dire quasiment décédé, enfin, même s'il meurt dans le film. Qui est joué par Christopher Plummer, excusez-moi, je confonds les deux. Qui vit dans un grand manoir entouré de sa famille, une riche famille en gros, et qui va être retrouvé égorgé un beau matin. Et en gros, c'est Daniel Craig qui va enquêter sur les membres de sa famille parce qu'il suspecte que le coupable se cache parmi l'un des membres de sa famille. Donc, comme je l'ai dit, voilà, rien de nouveau sous le soleil à première vue. C'est un Cluedo version Rian Johnson. Mais quand je dis Rian Johnson, c'est là qu'il faut être très attentif. C'est que comme pour Star Wars 8, qui en gros, moi, m'a plu parce qu'il a totalement changé les règles de cette mythologie et de cette franchise, il fait la même chose ici. Et il était temps. Et Rian Johnson, mais bon, ce qu'on n'aura pas à partir de mercredi, je prends les paris. Ça, c'est possible. Et là, en fait, bah, il fait la même chose. On va pas lui reprocher parce que clairement, Cluedo, on s'en fout un petit peu. Mais il a changé les règles du Cluedo, c'est n'importe quoi. Mon enfance est brisée, voilà, c'est ça. Le soir avec mes parents à jouer au Cluedo, c'est n'importe quoi. Tant d'années d'insultes, mon Dieu, c'est mal. Non, mais. Il n'a pas intégré le professeur Olive, le colonel Moutarde. T'as pas le chandelier, il n'y a pas de putain de cuisine. C'est vrai qu'on voit pas la cuisine. Et c'est vrai, voilà, il a changé les règles. Non, mais donc du coup, c'est là en fait tout ce changement de règles. Parce que, en général, le Cluedo, c'est quoi ? C'est j'enquête, je vous mets sur une fausse piste, et à la fin, boum, vous avez le coupable. Allez, générique de fin, au revoir. C'est pas du tout ça. Enfin, c'est plus compliqué que ça, parce que le Cluedo, en général, ça se resserre petit à petit. Donc, faut vraiment que tu sois le premier à sortir l'hypothèse la plus juste, en fait, par déduction. Bah, c'est surtout le credo au sens même dans la trame, c'est-à-dire que c'est sûr, en général ce genre de film, un peu comme 8 femmes par exemple, quoi, il n'y a qu'à la fin où on apprend, machin, enfin, c'est tout explose à la fin. Là, c'est un film qui explose petit à petit, et justement, c'est tout ce changement de règle qui fait le sel du film. Et autant, comme je disais, sur ce film-là, on va pas lui reprocher, bon, sur Star Wars, on lui reprochait, c'est un peu normal parce que c'est une mythologie qui est bien ancrée. Je peux comprendre qu'on soit un petit peu, qu'on n'ait pas envie de changer les règles, qu'on soit un peu macroniste sur le sujet. C'est bon, on a parlé de tous les sujets qui fâchent. Bah oui, autant tous les faire. Hein. Non, mais oui, bien sûr. Parlons de la grève. On n'a pas abordé les grèves. Mais la grève, faut arrêter. Hein, J'ai hésité quand tu parlais de très retraité. J'allais dire, bientôt à 80 ans, on sera même pas retraité. Oui, surtout que il a l'âge pour le personnage de Plummer, il a l'âge pour la réforme des retraites. Il a 91. Il a plus. Ce qui m'a plu dans ce film-là, c'est clairement sa générosité. Je trouve que cette année, c'est un adjectif, on en parlera dans le podcast de fin d'année. J'ai vu peu de films qui ont pensé au plaisir pur, c'est-à-dire la générosité simple. Pas forcément révolutionner quoi que ce soit dans le genre, mais juste être généreux, être rythmé, réussi. Il y en a très peu quand même. Et là, ce film-là, c'est pour moi le kiff ultime de cette fin d'année. Parce que voilà, comme je dis, c'est généreux, c'est drôle, c'est rythmé. Je trouve qu'il utilise tous ses outils avec une virtuosité. Ça passe de l'écriture à la mise en scène, clairement. Enfin, les deux, c'est pas juste un film qui est efficace dans son intrigue, parce que ça aussi, ça aurait pu très bien être un film. Je l'ai vu deux fois, justement, parce que j'ai tellement adoré la première fois, je me suis dit, ouais, mais attends, peut-être qu'en connaissant un peu tout, en le voyant une deuxième fois, j'ai peut-être être moins dedans. Pas du tout, parce que en termes de mise en scène, il y a vraiment ce qu'il faut. Et juste pour ça, je trouve qu'on peut même pas se permettre d'insulter ou de remettre en cause le talent de Rian Johnson, qui est incontestable. C'est-à-dire qu'il utilise sa mise en scène, il utilise ses décors, il utilise son intrigue et surtout ses acteurs. C'est-à-dire que tant d'acteurs prestigieux dans un film, ça peut faire peur parce qu'on peut se dire « Ouais, mais il va aller sous-exploiter. » Tout le monde existe et c'est pas facile. Le monde existe. Et même si on a l'impression que, parce que j'ai lu ça sur Internet, sur des tweets et tout, que certains personnages, on les voyait pas assez. Moi, je trouve que le temps de présence de chacun, il est juste parfait. C'est des personnages qui sont développés et amenés juste comme il faut. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attarder 10 minutes sur le personnage de Michael Shannon. C'est pas grave. Je préfère qu'on utilise 2 minutes sur son personnage-là, puis qu'ensuite on passe à autre chose. Du coup, ça donne du rythme au film. Parce que si on aurait dû passer, déjà que le film dure 2h10, si on avait dû passer 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes par personnage, ça aurait été très chiant. Et là, je trouve que justement, les personnages sont parfaitement bien intégrés et sont montrés juste comme il fallait. Donc ça favorise le rythme, ça évite les moments d'ennui et ça permet aussi au casting de briller. Parce que même si Jamie Lee Curtis, on peut croire qu'elle est là que très partiellement, les scènes où elle est là, elle est incroyable. Il y a une scène où il est question d'un testament, c'est un chef-d'œuvre de comédie, clairement. Elle le fait à la Muriel Robin. Elle explose carrément, mais c'est-à-dire que on la voit très classe, elle, parce que c'est une famille un peu de Bourges, donc ils sont très classe, il n'y a rien qui dépasse, ils sont bien habillés, tout ça, les costumes sont magnifiques d'ailleurs. Et tout d'un coup, ça explose, je dis pas pourquoi, mais ça vole en éclats, c'est incroyable, on se croirait c'est du vaudeville, quoi, c'est du théâtre, quoi, clairement. Et justement, voilà, tous les acteurs existent, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Chris Evans, il est génial. Vraiment, il porte les pulls de Noël comme personne en plus. Et surtout, il y a cette révélation, comme je disais, Ana de Armas, qui joue, elle, non pas le rôle d'un membre de la famille, qui joue le rôle de l'infirmière agréée pour le personnage mort, du coup, et qui va vivre sa mort avec beaucoup de peine, parce qu'elle était très attachée à son patient. Parce qu'elle a plus de teuf. Entre autres, voilà, c'est ça. En plus, elle joue le rôle d'une fille qui est issue d'une famille d'immigrés. D'ailleurs, le film est ouvertement pose des questions politiques parce que ça se passe pendant l'Amérique de Trump. Enfin, dans une Amérique de Trump, c'est pas un film qui se passe dans les années 80 ni 70, tu vois. Donc ça se passe actuellement. Ça se passe actuellement, voilà. Et du coup, il y a des moments où le film, comme c'est des personnages qui sont riches, ça parle d'immigration. On voit Don Johnson qui dit oui, mais moi j'ai rien contre les Mexicains. D'ailleurs, l'infirmière, elle est mexicaine, mais au moins tu es intégré au pays. Tu participes et du coup ça donne lieu à des échanges et tout, et je trouve que le film à 2-3 moments tient un propos politique qui est juste. C'est pas non plus c'est pas prégnant, mais c'est quand même très juste et très bien dosé. Et au milieu de tout ça, il y a Daniel Craig. notre James Bond. Pour moi, c'est le meilleur James Bond hein, que j'ai jamais vu. Enfin, j'adore cet acteur. Et dans ce film-là, il s'amuse. Ça fait plaisir à voir. Il est charismatique. Même au tout début, en fait, on le voit en arrière-plan. C'est des scènes, en gros, où deux enquêteurs interrogent chaque membre de la famille. Et lui, il est dans le fond. Il est à côté d'un piano. On le voit et sans même qu'il parle, sans même qu'il soit en plein champ dans la caméra, il a un charisme, il a une présence, c'est incroyable et il s'amuse quoi, ça se voit. D'ailleurs, il me semble qu'il est nommé aux Golden Globes dans la catégorie meilleur acteur dans une comédie. Il l'aura pas, tout comme le film est nommé hein, aussi. C'est dommage d'ailleurs parce que je lui donnerais volontiers parce que comme j'ai dit, c'est généreux, c'est un scénario à tiroir qui est truffé de rebondissements inattendus jusqu'à la fin. Mais jusqu'aux deux dernières minutes, quoi, le film m'a cueilli alors qu'on pensait avoir deviné, parce que c'est des choses qu'on, voilà, c'est des choses qui sont un peu convenues finalement. On se dit, ouais, bon, même moi, au bout d'un quart d'heure, je pensais avoir compris. Puis en fait, non, le film est beaucoup plus malin que ça. Rian Johnson, il est plus malin. Il fait, c'est ça aussi qui est génial, c'est très ludique finalement. C'est que Rian Johnson nous laisse croire qu'on l'a devancé alors que c'est lui en fait qui prend les devants et qui est en train de nous manipuler. Il maîtrise son sujet à la perfection, mais comme un chef d'orchestre, c'est ludique, c'est familial. J'espère qu'une suite est en projet parce que moi j'ai qu'une envie, c'est que Benoît Blanc, parce que c'est comme ça que s'appelle voilà, le personnage de Daniel Craig, revienne enquêter, parce que pour moi c'est un équivalent cinématographique comme Hercule Poirot l'est dans le monde littéraire. Il y a un potentiel et je veux vraiment que Rian Johnson revienne, je veux qu'il fasse une grosse franchise, je veux un Benoît Blanc étalé sur 20 films comme James Bond, quoi. J'ai adoré ce film, j'ai pris un pied monumental. J'espère qu'il aura, comme je dis, quelques prix aux Golden Globes, même si j'y crois pas. Mais en attendant, allez-y, c'est un pur régal, vraiment. Non, très bien. Moi, j'ai très très envie de le voir. Mais oui, moi aussi, ça m'intrigue. Ouais. Du coup, Eddie, c'est à toi pour nous parler d'un petit film de Noël, Klaus. Mais en fait, je viens de remarquer, mais tu parles que des films sur Netflix. C'est ça, alors je ne suis absolument pas payé pour. Non, mais t'inquiète, moi je vais faire la pub de Disney Plus après, donc. Non, je ne suis pas payé pour, mais bon, voilà, en ce moment, ils sont sur une bonne pente. Parce que la plupart des films sortis récemment sont très bons pour la plupart. Et du coup, Klaus ne fait pas exception à la règle. C'est un excellent film d'animation. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais ouais, à la télé, elle passe assez souvent. Voilà, et déjà en termes d'animation, c'est très très réussi. C'est de la 2D, mais mélangé avec de la 3D. En gros, ce sont vraiment des dessins 2D, mais posés finalement oui sur des modèles 3D qui évoluent dans des univers un peu plus figés comme pouvaient l'être les dessins animés en animation traditionnelle, quoi. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et puis c'est un film de Noël. Donc les films de Noël, il y en a, mais les bons films de Noël, il y en a finalement pas non plus des légions. Et ce qui est bien avec Klaus, c'est que finalement il se situe vraiment entre deux bons films sur Noël. Pour moi, c'est le Pôle Express et l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est vraiment la jonction un peu entre les deux. C'est qu'on a, on va avoir tout le côté, on va avoir toute cette ambiance très, un peu burtonienne quand même. Mais finalement, bon, évidemment, l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui n'est pas de Tim Burton, mais qui a été totalement inspiré par Tim Burton lui-même et imaginé par Tim Burton. Mais on retrouve vraiment, c'est presque la patte parfois Tim Burton au niveau des visuels, les personnages très longilignes avec des yeux énormes, des têtes un peu bizarres et tout. Ma sœur quoi. Peut-être, je ne connais pas. on aura donc un scénario à côté qui sera assez linéaire, mais qui aura par exemple toute la richesse que peut avoir un Pôle Express. En termes de profondeur. Donc c'est un film malin en fait, je trouve, parce qu'il a derrière son carcan film de Noël machin, comédie et tout, il pose des questions intéressantes sur sur plein de thématiques, la tolérance, le vivre ensemble, etc. Donc plein de choses très bah, très actuelles. Et il le fait magnifiquement à travers d'une belle histoire de Noël et avec des personnages qui sont très attachants. Et donc le postulat de base, c'est en gros, c'est comment naît en fait la légende du Santa Claus, du Saint Nicolas, quoi. Mm-hmm. La seule erreur qu'ils font finalement, c'est que le Père Noël dans le film a sa tenue rouge, alors qu'à la base normalement il est vert, il est pas, ouais. Il ne devient rouge que par le rachat de Coca. c'est vraiment l'un des seuls défauts qu'on peut noter. Mais après, ouais. Mais c'est intéressant. Disons que oui, dans l'idée, oui, c'est sûr. Hein, c'est pas le scénario du siècle, mais tout ce qu'il y a en abîme derrière, en fait, est très intéressant. Et les personnages sont beaux, c'est émouvant, c'est vraiment un super film. Moi, je me suis éclaté. Ça a vraiment été une très bonne surprise. Je m'attendais à un petit film d'animation sympa et drôle, mais je m'attendais pas à ce que ça soit à ce qu'il y ait comme ça plusieurs niveaux de lecture presque et puis une profondeur pareille en fait. D'accord. Donc je vous le conseille, c'est pas long, ça doit durer, je crois que ça durera juste 1h30 et c'est parfait pour se détendre et puis pour c'est un petit peu d'émerveillement en fait, c'est ce qui est drôle, c'est que c'est pas trop gentillet, c'est pas trop sombre, et en fait, ça procure tout ce qui est censé procurer un film de Noël. Ça véhicule des morales intéressantes, c'est de l'émerveillement, et en même temps, c'est pas gnangnan et concon, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un film de Noël réussi, tout simplement. D'accord. Et ils sont pas si nombreux, donc c'est bien qu'il y en ait de temps en temps. Donc c'est sur, ouais, Netflix et c'est extra. Moi j'ai adoré. Ok, bah super. Moi je me suis déjà réservé pour la période des fêtes. Oui, non, j'ai aussi envie de le voir. Enfin, l'animation m'a l'air super, super jolie. Ah oui, puis et le doublage français est très très bon. D'accord. Alex Lutz, il me semble. Ouais, on a Alex Lutz qui fait. Jasper, donc le héros qui est facteur, on a François Berléand qui fait Klaus, enfin Monsieur Klaus, qui du coup voilà le monsieur avec la barbe blanche. Ouais. Et on a, alors attends, c'est une saignée, mais je sais plus laquelle que c'est. Ça doit être Emmanuel, je pense. Je crois que c'est Emmanuel parce que c'est pas la voix agaçante de Mathilde. Enfin oui c'est ouais. Oui, ça doit être Emmanuel Seigny qui fait du coup la voix de, comment elle s'appelle, Alva, qui est une le pendant féminin du film, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Et allez-y, mais c'est très drôle, moi je me suis éclaté, hein, franchement. Ok, super. Très bien. Du coup, moi, je vais vous parler rapidement du film La Belle et Clochard, Lady in the Tramp, live, qui est sorti uniquement sur Disney+. Du coup, qui n'est pas normalement pas encore disponible en France. Mmh. Voilà. Bon, il y a des moyens détournés de le voir. Je vais pas vous dire comment faire. Vous démerdez. Et voilà, puis c'est tout. C'est ça. Bon, sachant qu'il y en a qui sont encore plus dans l'illégalité que moi. Donc, oui. Voilà. Moi, je paye pour le voir. Attention. du coup, c'est sorti le 12 novembre 2019 sur Disney+. Quand Disney+ est sorti, c'est réalisé par Charlie Bean. Et le scénario est de Andrew Bujalski, qui est d'après La Belle et Clochard, le film animé de 1955. Donc en fait, c'est un film live qui est très mignon, qui est... en fait, c'est pas... Il y a quand même plus de budget pour dire que c'est pas non plus un téléfilm, mais clairement, si c'était sorti au cinéma, on lui aurait reproché son manque d'innovation ou d'originalité en fait, clairement. C'est, pour moi, c'est quand même mieux que Le Roi Lion, clairement. Pas difficile en même temps, voilà. c'est mieux que Le Roi Lion, c'est joliment mis en scène, le fait qu'ils aient utilisé des vrais chiens pour faire tout le film quasiment, C'est plaisant à voir en fait, parce qu'on s'attache vraiment aux chiens et on a vraiment l'impression que c'est eux qui font toute l'histoire en fait. Et d'autant plus que je sais plus si c'est toi qui me l'avais dit ou pas, mais moi j'étais pas fan à l'idée justement qu'on utilise des vrais chiens. Voilà, c'est ça. Je suis pas très fan de manière générale maintenant. Avec tout ce que, enfin voilà. Oui, tout ce qu'on sait. Mais apparemment, les deux chiens finalement qui ont joué dans le film, bon, apparemment, ont été bien traités. Hein, il y a pas eu de soucis. Mmh. Mais c'est surtout qu'après, ils ont été adoptés en fait. Ah d'accord, ça je savais pas. Ouais. Ça je savais pas. Donc, parce que justement, en fait, c'était le but, c'était de, enfin, que les chiens qui jouaient dans le film seraient adoptés à la fin. Mmh. C'était un peu le deal, quoi. Ouais, d'accord. Bah c'est, non mais c'est cool parce que il y a pas mal ce message d'ailleurs dans les crédits de fin, il y a un message pour dire de pas voilà de pas abandonner vos chiens, de enfin voilà le speech de base, mais qui est toujours bien de rappeler, de pas abandonner les animaux. Bah c'est bien qu'une plateforme comme Disney Plus, enfin la firme Disney, oui, qui du coup a quand même qui a ce pouvoir fédérateur, voilà, fasse passer des messages comme ça. Enfin, je pense que ce sont ces acteurs-là qui peuvent aussi faire bouger les choses. Oui, c'est clair. Et sachant que le film de base de 1955 parlait aussi de ça, même s'il était pas, même s'il avait pas un message à la fin pour dire adoptez ou alors n'abandonnez pas vos chiens ou vos animaux. Les gens des années 50 étaient moins cons, ils le comprenaient en regardant le film. Voilà, c'est ça. Là, ils ont besoin d'un petit message à la fin pour. Non, mais. Pas abandonner son chien, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien, hein. Non, mais du coup. C'est... Morgane. J'abandonne pas mon chien, c'est toute ma vie. Je sais, c'est bien pour ça que je te fais chier. Même si des fois c'est tentant, hein. Vous avez un bulldog français, je vous garantis, quand vous dormez la nuit, vous vous dites pourquoi je l'ai adopté. Non, il y a le bruit, il y a les odeurs surtout. Ah bah oui, le voilà. Bulldog, bulldog qui ronfle et qui pète, hein, c'est pas qu'une légende, c'est vrai. Hein. Ça, c'est vrai. C'est, ouais, voilà. Super. Ah oui, mais ça, oui, hein, mais c'est fait le charme aussi du bulldog. Oui, c'est de toi qu'on parle. Puis il me regarde actuellement. Ouais. Florence Foresti dit que son chien sent la raclette. Est-ce que c'est le cas aussi du tien? Non, alors j'avoue par rapport à ça, alors c'est juste. Non, ça dépend des croquettes qu'on lui donne. Moi, c'est juste les bruits. Les odeurs, c'est quand même très très rare, heureusement. Ok, ouais. Très bien. Oui, du après coup, cette parenthèse canine. Ouais, non, mais c'est très bien, parce que de toute façon, ça en parle, hein, du coup, la Belle et le Clochard. Pour rappeler l'histoire, c'est Lady, du coup, ou Darling en français. Darling. Oh, Darling. Darling. Ça me fait penser, quand on dit Darling comme ça me fait penser aux Indestructibles. Edna Mode. C'est ça. Du coup, qui est dans une famille plutôt aisée et qui est plutôt bien dans sa vie, puisque elle est super bien traitée, c'est le centre d'attention de ses maîtres, jusqu'au jour où ses maîtres vont avoir un enfant, et du coup ça va plus être leur chien va plus être leur priorité numéro une, quoi. Ou du moins c'est ce qu'elle ressent, c'est la manière qu'elle va avoir de le percevoir dans le film d'animation. C'est ça, ouais. Et c'est en fait la trame ne change pas, hein. Clairement. Live, c'est vraiment la même chose. En même temps, tu peux pas non plus faire autre chose. Oui, non. Après, c'est une histoire classique, mais qui fonctionne très bien. Hein, donc, je vois pas pourquoi ils auraient changé quelque chose. Voilà. Et du coup, elle va. Enfin, ses maîtres vont partir un moment et ils vont laisser la maison à une tante. Qui est très bien, qui est interprété par maintenant j'ai plus le Tante Sarah, Yvette Nicole Brown, Tante Sarah, qui est interprétée par Yvette Nicole Brown dans le film, et qui joue super bien le rôle de la méchante sans vraiment être trop. Celle qui joue dans Community. Ouais, elle joue dans Community, ouais. Et d'ailleurs il y a Ken Jeong aussi qui joue le docteur qui est aussi dans Community. Donc voilà. Et du coup, elle joue très bien la méchante sans être trop dans le cliché, mais justement. Et du coup, en fait, elle va ramener des chats à la maison. Ceux-ci vont les siamois. Voilà, les siamois vont foutre la pagaille dans toute la maison qu'elle devait garder. Et du coup, elle va croire que c'est Lady qui a fait tout ça. Et du coup, elle va vouloir lui mettre une muselière. Finalement. Elle va s'échapper de de l'animalerie où elle était allée, Lady. Et du coup, elle va rencontrer... Enfin, elle l'avait déjà rencontré avant, le tramp ou le... comment... Jim... Le clochard. Le clochard, voilà, le clochard, clairement. Donald Trump. voilà. Et du coup, tous les deux, ils vont essayer de... Enfin, elle va se rendre compte que finalement, la vie dehors n'est pas si mal, la liberté, etc., et puis ça continue comme ça. Bon, je vais pas vous dévoiler, je vais pas vous faire tout le film, hein. La trame, comme je l'ai dit, ça reprend la même chose. C'est plutôt bien réalisé, je trouvais. Je voulais dire par rapport au fait qu'ils utilisaient des vrais chiens, mais ils les ont justement. Et en plus, ils sont trop mignons, quoi. Oui, ils sont super mignons. Au tout début, quand ils commencent à parler, tu dis ah oui, d'accord, ok. C'est un peu étrange parce que t'as pas la. Il y a que les lèvres, en fait. Enfin, il y a que la gueule qui bouge, quoi. C'est pas, ils ont quand même fait un effort pour que les yeux, etc. Y a c'est ça, parce que je me rappelle dans le, c'était quoi, comment que c'était déjà les films où il y a les animaux qui parlent. Air Buds ou des, enfin je sais pas, non, Beethoven ou des trucs comme ça. Non, pas... comme non. Chien et chat. Ouais, il y a ça, mais il y en avait un autre avec le petit cochon. Babe. Ah oui, voilà, Babe. Ouais. Et là, c'était vraiment bizarre parce qu'il y avait que les lèvres qui bougeaient, mais pas les yeux. Enfin, les animaux avaient pas d'expression, en fait. Oui, voilà. Mais là, est-ce que je vous coupe. Est-ce que vous connaissez le film L'Incroyable Voyage? Oui. Ah ouais. Bah justement, ça c'est super parce que moi je trouvais ça bien l'idée qu'on voyait pas la bouche et je trouvais quand même qu'il y avait des émotions. Ouais. Alors c'était en plus des vrais animaux et je trouvais que par la puissance même des voix, que ce soit française ou originale, il était bien, on y croyait. Film. Même le 2, j'aime beaucoup. Franchement, c'est super. Vraiment, je trouve que ça, c'est un film de mon enfance. Enfin, ça, c'est sur Disney+, je vais me le refaire. Bah, il sera... Bah, tous, c'est un attends, il s'appelle comment, tu m'as dit? L'Incroyable Voyage. Après, je sais. En anglais, c'est pas du tout... Incredible Voyage. Non, c'est pas du tout le même titre en anglais. Ouais, c'est An Amazing Journey, ou je sais pas. Ouais, quoi, bah, je crois... Je l'ai vu. Je l'ai vu, il me semble qu'il est... Donc, il est trop bien. Et en doublage français, on a le trio des visiteurs, en fait. C'était complètement improbable. C'était Valérie Lemercier, Jean Reno et Christian Clavier. Et c'est super drôle, enfin c'est super drôle, c'est émouvant et tout. Enfin, quand t'as eu un chien quand t'es petit et que tu vois ce film là, c'est moi justement je pense que le j'avais pas de chien quand j'étais petit, là maintenant que j'en ai un je suis pas plus grand, mais je pense que mes jeux font en larmes parce ma hantise. Puis bon, mon chien est tellement con, il se perd même dans le quartier, donc s'il vient dans une montagne je le revois plus. Mais en tout cas c'est un super film, je trouvais que c'était, et même en termes de VF. Allez, aujourd'hui on critique un peu les VF, machin, on prend des acteurs, machin, et pas là, on avait pris des vrais acteurs. Et bah franchement, ça rendait super bien. Même si, bon, Clavier, quand il double, je vois Clavier. Alors que Reno et Valérie Lemercier, ça va, j'arrive. Mais Clavier, il y a un truc qui... Ah, Valérie Lemercier qui fait Sassy, la chatte. Mais super. Ouais. Puis même, il y avait des moments de qui me faisaient peur, moi, quand j'étais petit. Hein. Il y a pas une scène avec un loup, je sais plus quoi. Oui, un truc comme ça. Ouais, ça se passe dans la nuit et tout. Ah non, c'est vachement bien. Et les musiques. C'était et la grande paysages. Époque où, ben justement, les films avec les héros canins étaient très en vogue. Il y avait la série des Lassie. Il y avait Air Bud, Beethoven, Air Bud, Beethoven, bien Beethoven, sûr, c'était bien ça. Mais les Beethoven, il y en a eu plein en plus. D'ailleurs, Eddie, tu veux une anecdote? Tu sais que Beethoven, le film, tu te souviens bien du premier Beethoven? Mais le premier et le deux surtout. Les autres, alors, non. Le premier, il a été tourné dans la rue où. Enfin, la rue qui a servi pour Wisteria Lane. Voilà, c'est le même endroit. D'accord, ok. Voilà. Bah, c'est un décor qui a beaucoup servi, parce qu'on le retrouve dans Buffy aussi. Ouais, ça s'appelle, il s'appelle Colonial Street. Ouais, voilà. Et tu le visites quand tu fais Universal Studios Hollywood. Ouais, ça doit être. Moi, je voudrais pas le visiter. Pour moi, c'est une vraie rue. Il y a vraiment des gens qui vivent dans ces maisons. Oui, c'est sûr. Qui font des tartes aux pommes et des. Alors des que quand tu rentres, quand tu rentres dans les maisons, parce que quand tu rentres dans les maisons, tu vois que le bas, en haut, il y a rien. C'est là où il y a les lumières. Tu dis, ah non, je peux pas. Non. Alors après toute cette belle divergence, est-ce qu'ils vont au restaurant manger des spaghettis est-ce que Luigi leur chante la belle année? Ah oui, bien sûr. Les chansons sont quasiment toutes reprises, sauf la chanson des Siamois qui a été modifiée, il me semble. parce qu'elle est un peu tendax actuellement. Et les spaghettis, c'est du vrai bœuf ? Non, parce que comme c'est bien d'être vegan, ils n'ont pas changé. Non, ils ont bien marqué l'origine à la fin de, du bœuf. Ouais. Okay. Non, non. Ouais. Ça avait l'air d'être du vrai bœuf. Non, la scène est superbement mise. Enfin, le fait est que la mise en scène reprend pas mal de plans du film original. Et du coup, ça fait, c'est genre, par exemple, moi, j'ai été marqué parce que je trouve que La Belle et Clochard de 1955, c'est un des plus beaux. Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment un des plus beaux films. Un des plus beaux Disney. En termes d'animation, il est magnifique. Ouais. Visuellement, il est magnifique. Et j'ai été beaucoup marqué par les flaques d'eau. Dans ce film, les flaques d'eau, il y en a au moins 3-4. Et on s'en souvient pas mal parce qu'il y a des reflets et tout, c'est joli, les chiens ils marchent dedans. Et Il y a un travail, tu peux faire un parallèle avec Zootopie. Ouais. Qu'il y a des scènes comme ça où les personnages sont, il pleut, hein. Et moi ça m'a, Zootopie m'avait marqué quand je l'avais vu parce que je me dis putain, il y a vraiment une maîtrise quand même de l'eau en fait à l'écran. Ouais, on dirait vraiment que c'est du vrai. Ouais. Et c'est vrai que quand tu fais le lien avec un film comme La Belle et le Clochard, à l'époque, forcément, l'eau paraît un peu plus figée, mais la manière que ça avait d'être fait, c'est vrai que c'était très bien fait. Pour moi, c'est le signe des grands films d'animation, c'est quand t'as des détails comme ça, effectivement, ouais, qui te marquent vraiment. Ouais. Voilà. Mmh. Et du coup, c'est repris dans le film et c'est très bien repris dans le film de live. Donc, ouais, ils chantent Bella Notte, c'est magnifique. Enfin, voilà, t'as même les chœurs. La scène du zoo. Alors, attends. Avec le castor ? Il n'y a pas ça. Ouais, j'adorais avec le castor. Non, il y a pas et la muselière. il y a pas cette scène. Oui, il y a quelques petits changements, mais c'est pas non plus très très marquant en fait. Mais moi, c'est bien justement qu'ils changent, qu'ils nuancent un petit peu parce que bah c'est... voilà, je trouve ça bien. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a des trucs qu'ils peuvent pas enlever. C'est vrai que la scène de La Belle à noter, ça. Enfin, c'est comme enlever. Bon, ben, par exemple, le Roi Lion, t'enlèves le baptême de Simba au début. Même moi qui ai jamais vu La Belle et le Clochard, Tu l'as jamais vu, Morgane ? Non, mais je suis tenté. Je vais le regarder là. En plus, j'aime bien regarder Disney pendant les périodes de Noël. Ah oui, oui, non. Puis celui-là, il faut. Par contre, il a pas été redoublé, celui-là ? Ça, je sais pas du tout. Il me semble qu'il a été redoublé. Dans le nouveau doublage, il y a le Patrick Poivet, celui qui double Bruce Willis, qui double Clochard. Il me semble. Ah oui, exact. Oui. Ouais, donc faut que je veille à ce que. Voilà. Ouais. Parce que t'aimes pas le. Bah, j'ai pas envie de. Oui, moi, j'aime bien garder l'authenticité. Attends, il y a eu trois doublages. Regarde sur. Ouais, mais ça lui va bien, Clochard, la voix de Bruce Willis. Ah non, parce que c'est Orson Hodge. Ouais, non, ça lui donne un petit côté John McClane un peu. Ah non, moi, maintenant, je te jure, j'identifie la voix de Bruce Willis à Orson Hodge maintenant. Enfin, le Patrick Poivre, c'est Orson, c'est pas Bruce Willis pour moi. Ouais. Ah, je te jure. Orson Hodge, Desperate Housewives, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. D'ailleurs, sur la plateforme Disney+, c'est à noter, il y a déjà la version française de ce film. Ah. Voilà. Alors, doublé. C'est et tout, comme si tu ne savais pas finalement qu'il y avait. Enfin, oui, voilà. Non, mais c'est parce que j'en parlerai sur Disney+, mais il y a pas mal d'efforts justement sur les différentes versions. Il y a énormément de versions, que ce soit bon, il y a les Simpsons. Pour l'instant, la version française, c'est la version canadienne. Non, mais moi, de toute façon, j'aime beaucoup. En fait, j'adore les Simpsons, que ce soit en VO ou en VF, donc ça me dérange pas. Mais les dernières saisons des Simpsons en VF, moi, j'ai du mal avec la voix de Bart. Justement, la voix de Bart ne fonctionne pas. Donc, pour moi, j'ai adopté totalement la VO et en fait, le truc. Ouais, mais moi, si j'ai pas Homer en VF, je suis malheureux. Homer et Marge en VF. Oui, ouais. Non, mais du coup, voilà, moi, j'en parlerai un peu plus juste après sur la plateforme directement. Tout ce que je voulais dire en fait sur ce film, c'est que j'ai passé un bon moment. Clairement, c'est un peu le même feeling que Aladdin, quoi. On a à peu près la même trame, sauf qu'on a 2-3 petits changements qui font plaisir, et on a aussi la chanson Is a Tramp, qui est un peu aussi le deuxième à côté de Bella Notte, hymne de ce film, qui est réinterprété par Janelle Monáe, qui est une artiste que j'adore. Et qui a réécrit d'ailleurs les paroles pour la chanson des Siamois. Voilà, moi c'est un film que j'ai bien aimé, honnêtement. Tu passes un moment agréable devant, tu vas pas vouloir le revoir tout de suite. D'ailleurs, cette chanson Is a Tramp, il faut l'écouter en version jazz par Mélodie Gardot. Ouais, ouais, il ouais. est tellement bien. Mais c'est quand je t'avais conseillé ouais. Disney Love Jazz. Ah, ouais, je l'écoute l'album. Tout le temps cet album. Ouais, ouais. J'ai ouais, ouais. Et d'ailleurs, ils ont sorti un 2 que j'aime un peu moins. Un petit peu moins, ouais. Mais il doit y avoir un 3 aussi maintenant, je crois. Ouais, ouais, ouais, faut que je vois ça. Mais voilà, en tout cas, oui, c'est vrai que cette chanson, elle est géniale. Et là, elle est vraiment super bien réinterprétée. Du coup, ouais, la dernière chose que je voulais dire, c'était au niveau des effets spéciaux. Les chiens, pour les scènes d'action, quand ils courent à côté des voitures, des choses comme ça, c'est pas les vrais chiens qui ont été utilisés. Mais le truc, c'est que la transition se fait plutôt bien et ça, c'est assez invisible à l'œil, en fait, puisque il y a quand même quelques modifications sur les chiens quand ils parlent ou sur leurs yeux, en fait, justement, pour les rendre plus expressifs à certains moments, etc. Donc, ça fonctionne très bien et c'est vraiment invisible à l'œil. Moi, pourtant, souvent, j'ai des problèmes avec ça quand on passe du live action au CGI. C'est un peu compliqué, je trouve qu'on n'est toujours pas au point technologiquement. Si tu le vois pas, c'est que c'est réussi. Voilà, on n'est toujours pas au point technologiquement pour faire ça, mais là vraiment c'est réussi parce que c'est fait subtilement, en fait c'est fait à certains moments où on les voit pas très bien, où c'est un peu dans le noir, etc. Et du coup ça justifie ce genre de choses et c'est très bien fait. Et un point pour aussi pour l'acteur qui est Adrian Martinez qui joue le Elliot, du coup le personnage qui va essayer de capturer le clochard pendant tout le film, qui est vraiment qui joue super bien son rôle et qui est très sérieux, mais en même temps ça le rend super super marrant à regarder. Donc voilà, c'est je honnêtement, quand la plateforme sortira en France, voilà, je vous le conseille de regarder, vous passerez un agréable moment. Voilà, c'est à peu près du même niveau que... Oui, de toute façon, c'est prévu au programme. Voilà. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, c'est le dernier film live de Disney qui est sorti cette année. Pour l'année ? Oui, voilà, parce que bon, on en a soupé pas mal, même si... Ah, cette année Voilà, il y en a eu 4, du coup. Le prochain, c'est Mulan. Ouais, le prochain, c'est Mulan en 2020, voilà. Du coup, rapidement, je vais rapidement vous parler de Disney+, pour ceux qui sont intéressés. La plateforme, techniquement, elle fonctionne plutôt bien. C'est assez facile de trouver des films ou des séries. Il y a pas mal de choses, il y a des choses qui manquent. Hein. Il y a par exemple des films, il y a Avengers Endgame ou Dumbo par exemple, des films qui sont sortis cette année et qui sont déjà disponibles. Mais pas chez nous. Non, mais bien sûr, mais quand la plateforme sortira, je pense qu'ils seront disponibles. Ils seront soumis à la chronologie des médias. Donc, Okay, ça ne changera absolument rien chez nous, en fait. Les films qui vont sortir au cinéma ne seront pas sur Disney+, ça en même temps qu'ils ans, sortiront en vidéo. Oui, okay. Voilà. Donc, ça, ils commencent à nous faire chier, la France, avec leur chronologie à la con, parce que... oui. Enfin, c'est totalement débile parce que je pense. Il ferait mieux d'arrêter les grèves à la place. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai problème au niveau de ça quand même, au niveau de la chronologie des médias. C'est oui, que... c'est un problème. Mais si, parce que ça favorise le piratage. Oui, c'est sûr. Après, ça permet aussi. Bon, après, tout le monde n'a pas les moyens parce que c'est un budget, mais ça permet aussi de favoriser aussi peut-être éventuellement l'achat physique. Peut-être. Ouais. Et l'achat physique est amené à disparaître. Non, mais sachant que l'achat, quand tu parles d'achat physique, de toute façon, quand ça sort en physique, ça sort aussi en numérique à acheter. Oui, c'est sûr. Donc, c'est juste. Après, voilà. Voilà. Après, je sais pas si, enfin, c'est un peu étrange parce que c'est quand même Disney qui produit les films et qui les distribue en France, donc je sais pas si. Non. Moi, j'avais posé la question à Chronique D'accord. Disney qui sont quand même, qui malgré tout, sont quand même un site compétent là-dessus, qui s'y connaissent, qui connaissent l'entreprise, qui connaissent, qui ont une bonne connaissance aussi de, enfin, des lois au niveau de l'audiovisuel et tout. Et ils m'ont dit non, ça sera soumis à chronologie des médias. En fait, les films, par exemple, les films, admettons, je sais pas, un jour ils nous font un remake de, j'en sais rien, moi, de une version live de la bande à Picsou. j'ai dit n'importe quoi, qui sortirait directement sur Disney+, bah là, il n'y aurait pas de problème. Bah oui, oui. Mais comme c'est le cas avec Netflix actuellement. Oui, si c'est sorti au cinéma, c'est pas la même chose. Mais bien sûr. Par exemple, The Irishman, Netflix, dans d'autres pays, il est sorti au cinéma. Et du en coup, plus d'être sur Netflix, mais chez nous, il n'est sorti que sur Netflix, justement, pour pas être, pour pouvoir passer outre cette loi qui fait. Alors que c'est con, parce qu'un film comme, un Scorsese au cinéma, ça a de la gueule, quoi. Oui. Voilà. Du coup, au niveau, on avait annoncé pas mal de films Fox, etc. Enfin, moi, je m'y attendais. C'est clairement pas le cas. On a les trois Home Alone, Avatar, et c'est à peu près tout. Ah bon? Non, mais il y a au niveau Fox, il y a Les Simpsons, Home Alone, Avatar, et il y a pas. Ça va être sur Hulu, ça alors. Peut-être, ou alors. Je pense qu'ils font déjà le tri, parce que clairement Disney+, c'est quand même plus destiné à la famille. Donc ils vont faire le tri dans le catalogue Fox, mais en tout cas pour l'instant, il y a. Bon, et Les Simpsons, le film, que j'ai pas compté, mais voilà. Que j'ai vu hier soir d'ailleurs, revu, et. Trop bien. Moi, il me plaît toujours autant. Celui avec le dôme. Ou ben, il y en a qu'un, donc. Oui, c'est celui-là. Concernant les programmes, il y a pas mal de films qui sont pas dispo aux États-Unis, mais qui seront, je pense, dispo en France. C'est certains vieux films ou des choses comme ça qui sont encore sous contrat sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Par exemple, il y a des films qui sont pas disponibles. Par exemple, Ralph 2.0. Exemple qui est sorti, il est sur Netflix aux US, et ben il sera pas sur Disney Plus avant 2021. Voilà, aux États-Unis, je parle toujours. Donc voilà, de toute façon, il sera pas chez nous en France avant 2022. Voilà, donc bon, il y a des petits trucs comme ça. Les programmes originaux sont pour la plupart sont plutôt bien, mais c'est pas non plus. Moi, il y en a un que j'ai vraiment envie de voir, c'est. Imagineering, je sais plus quoi. Enfin, en gros, c'est sur les coulisses des parcs. Ouais, voilà. Il y a ça. C'est plutôt. Enfin, celui-là, je l'ai pas encore vu. J'ai vu A Day at Disney qui raconte un peu la journée type de plusieurs personnes qui travaillent dans tous les champs de Disney, donc que ce soit au parc, sur les films d'animation, sur plein d'autres choses dont je me soupçonnais même pas. Par exemple, il y a l'interview d'un sculpteur pour Pixar, puisqu'il fait des sculptures avant de faire le modèle 3D pour montrer aux animateurs à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ça. Et il y en a qu'un seul, et du coup, c'est ce qu'il fait toute la journée. Il est payé à ça, donc c'est cool, plutôt. C'est intéressant. C'est intéressant pour. Il y a un conducteur de train à Disneyland ou des choses comme ça. Oui, mais c'est un vrai train à vapeur. Disney. Il montre tout ça, donc c'est plutôt intéressant. Il y a encore qui est une série produite par Kristen Bell, qui joue Anna dans la VO de Frozen dans La Reine des Neiges, qui sont plusieurs épisodes du Glee Club en fait. Le Glee Club, du coup, c'est un groupe de comédie musicale au lycée aux États-Unis. Et du coup, ils font des productions à chaque fin d'année. Et en fait, c'est la réunion de ces personnes 10 ans ou 15 ans après. Et ils vont refaire la même chose avec les moyens Disney. Donc, clairement, beaucoup plus évolués. Par exemple, ils ont fait un sur La Belle et la Bête, la version comédie musicale. Ils en ont fait un sur Annie. Enfin, sur plein de choses. The Mandalorian. Bon, okay, c'est pas ouf. Encore, c'est un peu trop. Disneyisé pour moi, qui est Mandalorian, bien sûr. Hein, bon, tout le monde en a parlé. Oui. Merci pour les spoils, ceux qui ne l'ont pas vu. Y a pas mal de. Il y a des petits films courts de Pixar. Il y a des courts de Pixar, par exemple Forky dans Toy Story. Ouais, alors apparemment, c'est pas terrible, ça. C'est une pastille, quoi. Ça dure une minute. Non, à peine. Mais ça dure 5 minutes. Voilà. Ouais. C'est correct. T'as genre des. Il y a une série qui s'appelle Pixar in Real Life qui est genre une caméra cachée où par exemple ils foutent la console de Vice Versa à Central Park et du coup il y a des enfin la console des émotions, c'est génial, il voilà, y a des gens qui vont appuyer dessus et du coup devant eux il y a des acteurs qui vont jouer les émotions selon ce qu'ils appuient, c'est trop bien, enfin voilà, des choses comme où il y a la poursuite, enfin quand le poulpe s'échappe dans le monde de Dory, voilà, dans la poussette, et du coup t'as des acteurs qui disent vous avez vu une poussette avec un poulpe, etc. Enfin voilà, c'est trop bien. Et c'est des petites pastiches. Voilà, il y a des programmes assez intéressants. Il y a le souci c'est qu'il y a pas National Geographic sur en France, il y aura pas National Geographic en plus. Ah bon, mais il y a tous les parce que ça appartient à Canal Plus, il me semble. Il y a aux États-Unis, du coup, il y a tous les programmes National Geographic. Il y a un programme où c'est Jeff Goldblum qui va découvrir plein de choses. Ouais. Genre c'est par exemple un épisode c'est sur le tatouage et il va découvrir les origines, il va aller voir plein de choses, les gens, mais ça peut aller du tatouage jusqu'à la chaussure, oui, jusqu'à c'est très large, enfin voilà c'est ça. Il y a plein de petits programmes plutôt sympathiques, mais honnêtement je trouve que ça justifie pas l'achat de Disney Plus pour l'instant. Les programmes originaux, je parle, hein, pour le catalogue. Après, t'as quand même toute la bibliothèque des grands classiques. Ouais, voilà, Disney. Ce que je disais, c'est que pour moi, les programmes originaux ne justifient pas pour l'instant l'achat de Disney Plus, mais le catalogue derrière est assez rempli pour clairement faire Parce vos. Que tu dois avoir beaucoup de films live. T'as tous les films live, il y en a certains qui sont encore sous licence, comme j'ai expliqué, même des vieux films, hein, des films des années 80, 90, il y en a certains qui sont encore sur Netflix ou sur d'autres plateformes, qui sont encore sous licence aux États-Unis. Mais du coup, je pense que c'est une bonne chose, justement, que Disney Plus arrive un peu plus tard en France, parce qu'ils essuient les plâtres aux États-Unis, et aussi, les épisodes sortent un épisode par semaine. C'est Mandalorian ou toutes les autres séries alors dont j'ai nous, parlé. On va pouvoir tout binge-watcher d'un coup. Voilà, c'est ça. Du coup, quand ça sortira en France, il y aura tous les épisodes et il y aura aussi d'autres programmes qui seront plus. Encore plus de programmes. Donc, du coup, Disney Plus and Chill ou pas alors? Disney Plus and Chill, ouais. Ok. Bon. Ça vaut le coup. Pour plutôt le back catalogue, quoi, clairement. En plus, c'est pas. Bon, moi j'ai pris l'abonnement avec Hulu et ESPN. C'est ça, mais moi ce qui me fait chier, c'est que l'abonnement Hulu m'intéresse, mais ESPN, je m'en fous. Ouais, bon, moi aussi. Hein, j'ai regardé un match de basket vite fait, mais c'est tout. J'ai clairement pas le temps de regarder ça, donc voilà. Moi, c'est... Après, Hulu, ça sera pas en France, hein, je pense. Hein, donc, C'est con. Donc voilà. J'ai à peu près tout dit. Je vous referai des retours selon les films que je vois, etc. Voilà, c'est pour ceux que ça intéressait de savoir ce que je pensais. C'est plutôt, honnêtement, techniquement, elle est bien pensée et elle est fluide. Et oui, elle est bien, mais les menus sont bien. C'est très, très proche fait. De Netflix, j'imagine. C'est plus proche de Hulu. Maintenant, le problème, c'est que en France, c'est pas super connu, mais c'est honnêtement au début Netflix c'était très très archaïque, hein, honnêtement. Quand je l'avais pris en 2013 c'était encore plutôt assez balbutiement, et là c'est devenu quelque chose de plus intuitif et oui, parce que et Netflix encore... moi j'ai pas de soucis du tout avec l'application Sur portable ou sur la télé Et Disney Plus, c'est bien pensé. Honnêtement, ils ont fait un bon taf, que ce soit ergonomique et facile à utiliser. Bon, par contre, après l'algorithme sur Netflix, c'est complètement pété. Il y a pas encore. Enfin, si, il y a un algorithme, c'est-à-dire que quand j'ai regardé, par exemple, La Belle et Clochard et Les Simpsons, on me propose des choses. C'est pas aussi pété que Netflix pour l'instant, de ce que j'ai Netflix, vu. Netflix, ça faut voir les trucs qu'ils proposent des fois. Bien cerner mes goûts, il n'y a pas de problème. Voilà. Et il y a aussi la série High School Musical que je n'ai pas regardée parce que je ne connais pas High School Musical. Voilà. Oui. Ensuite, je suis désolé, j'ai passé un peu trop de temps là-dessus. On va passer à Chanson Douce, Morgane. Ouais, Chanson Douce. Dis-moi. Je retrouve mes notes. Voilà, ah, voilà. Okay, c'est bon. Alors, Chanson Douce, si le titre vous parle, c'est peut-être parce que vous avez lu le roman. Parce que c'est un roman qui est sorti en 2016, écrit par Leila Slimani. Oui. Qui a obtenu le prix Goncourt. Donc, c'est l'adaptation de ce roman avec au casting Karine Viard, Leila Bekhti et Antoine Reinhardt, qu'on avait vu dans 120 battements par minute. Effectivement. Et. et qu'on a vu récemment dans La Vie scolaire, où il jouait le rôle d'un prof qui se faisait tacler parce qu'il ressemble à Vincent Van Gogh. Et c'est extrêmement drôle. Oh, mais parce que La Vie scolaire, c'est franchement, c'est mon film français de l'année, honnêtement, clairement, pour l'instant. Faut voir l'heure de la sortie, mon cher. Mais pas c'est pas celui qui est sorti sur Netflix, hein? Non, c'est pas le même, c'est pas la même chose. Non, c'est le film de Grand Corps Malade, celui qui avait fait Patient, là, qui était déjà super. Ouais, et ouais. Là, La Vie scolaire, là, c'est, un vrai régal. Donc, qu'est-ce que j'attendais de ce film-là? Alors, est-ce que j'ai lu le roman? Non. Oui, mais les 50 premières pages. Ah. C'est-à-dire que les 50 premières pages m'ont tellement plu, j'ai trouvé ça tellement admirable et passionnant que je me suis dit, ok, il y a une adaptation qui arrive, il y a Karine Viard dans le rôle principal, donc le rôle d'une nourrice, un tout petit peu, une Mary Poppins, c'est un petit peu démoniaque. Je me suis dit, bon, il y a trop de promesses, je vais refermer le bouquin. Et attendre le film pour pouvoir le voir et me préserver de toute surprise. Sachant qu'en plus de cela, la première page du bouquin commence par la fin, en fait. D'accord. C'est un film, même la première phrase, je peux même la dire, parce que c'est clairement il n'y a pas de spoil. La première phrase, c'est « Le bébé est mort ». Donc, au tout début du bouquin, c'est ça, en gros. C'est une scène macabre, une scène de tuerie. Et ensuite, on repart en arrière. On va voir comment on va aller vers cette fin-là. Donc, l'histoire, en fait, c'est un couple donc, qui est joué par Antoine Reinhardt et par Léla Becti, qui est un couple parisien qui, lui, travaille et elle veut reprendre ses études. Donc, ils vont chercher une nourrice pour garder leurs 3 enfants. Oui, ils sont 3, je crois. Oui, c'est ça. Et autant dire qu'ils ne vont pas trouver Mary Poppins, hein. Non, ils vont trouver Karine Viard qui, sous ses airs de Mary Poppins, va se réveiller un tout petit peu, se révéler un petit peu plus menaçante, un peu bizarre, un peu intrusive. Et il y aura des gestes, des attitudes un peu étranges jusqu'à. Moi, j'attendais énormément ce film parce que pour le casting et pour moi, Karine Viard, ça devait être le rôle de sa vie. Enfin, je devais sortir du film en me disant Karine Viard, meilleure actrice de l'année, etc. Eh bien, pas du tout, parce que c'est une grosse déception en plus d'être un très, très, très mauvais film. Comme je l'ai dit, Karine Viard qui devait exploser l'écran, bah, c'est pas du tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un potentiel malsain dans le film, dans cette histoire, qui est juste totalement gâché. Y a une absence de rythme, une absence de tension. C'est un film qui est extrêmement stérile. On ressent rien, même pas de la gêne, même pas de l'embarras. C'est une limite ridicule. Je pense une scène notamment où Karine Viard fait pipi dans un pot de bébé, un pot. Ça devrait être étrange. En fait, ça part comme un jeu, c'est-à-dire elle joue avec les enfants en mode « j'ai envie de faire pipi ». Du coup, elle va prendre le pot, elle va baisser sa culotte et elle va faire pipi. On se dit « dans le pot de chambre, j'ai compris le pot, le petit pot ». Non, le parce pot. Parce que là, pour le coup, ça aurait vraiment été malsain quand même. Ah oui. Ça aurait donné un petit. Pomme, ça aurait donné un petit goût salé à la ratatouille en purée, mais bon. Super. Et à ce moment-là, c'est plein de petites scènes comme ça. On se dit, ça devrait être malsain, ça devrait susciter l'embarras, et j'ai trouvé ça ridicule. Je riais sur mon siège en me disant, mais c'est tellement ridicule, et Karine Viard le joue extrêmement mal, ça m'emmerde de le dire, mais elle est mauvaise. D'ailleurs, pour faire coucou à un ami qu'on connaît, je pense, mon ami Charles, qui, en voyant le film, m'a dit « Tu verras, Karine Viard, elle fait son Joaquin Phoenix dans Joker ». Je n'ai pas compris du tout la référence, je n'ai pas compris le lien. Alors, si c'est faire le clown et faire un peu de l'exubérance, je veux bien, mais là, elle est extrêmement mauvaise. C'est un film qui, justement, est trop soft, en fait, qui ne montre pas assez les choses. Un exemple, il y a une scène où la grande sœur mord son petit frère, et pour, en gros, la punir, Karine Viard va la mordre à son tour. Et on voit pas la scène, on la voit juste poser ses dents et hop, ça coupe. Non, faut montrer les choses. Enfin, je dis pas qu'il faut montrer des enfants se faire torturer non plus, mais faut oser montrer les choses. Quand on a envie d'adapter un roman comme ça, quand on veut à ce point créer le malaise, il faut le montrer un minimum et être trop dans la suggestion au bout d'un moment. Le gamin se fait arracher le bras, hein. Oui, c'est bien ça. Voilà, c'est bien. Donc, le film n'est pas très bon, je trouve. C'est un film d'horreur, non. Ouais, mais là ils avaient toutes les cartes en main, voilà. Et justement ce côté trop soft pour moi c'est contre-productif parce que c'est extrêmement frustrant à l'arrivée. Karine Viard, elle surjoue énormément, comme j'ai dit, au point d'en devenir mauvaise. Elle est mauvaise. La seule actrice qui s'en sort c'est Leïla Becti. Je continue à penser que c'est une des meilleures actrices qu'on a en ce moment. Elle sait tout jouer, elle est drôle et dans les rôles dramatiques, elle s'en sort véritablement bien. Jusqu'à cette fin, donc du coup, on s'ennuie. Enfin, moi, je me suis emmerdé pendant 1h50. C'est extrêmement long. Ouais, c'est jusqu'à cette fin qui est ratée au possible. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'audace. À tel point qu'on se demande c'était quoi l'utilité d'adapter ça. C'est que moi qui ai lu le début du roman, je sais que la fin. Du coup, t'as pas lu la suite. Non, j'ai pas lu la suite parce que je voulais me préserver le truc et ça m'a même plus donné envie de lire la suite. D'accord. Parce que bah voilà, c'est ça, j'ai trouvé ça mauvais quoi. Après, peut-être que le roman est mieux du coup. Alors, ouais. Le roman est mieux et il paraît qu'il a quand même ce par rapport à cette fin parce que clairement. Voilà, c'est pas un spoil, on sait que ça va terminer en bain de sang, ouais. Sauf que le bain de sang n'est jamais expliqué même dans le roman. On sait pas comment c'est arrivé, ce qui a pu amener ça, mais on sait que c'est arrivé. Alors que là, dans le film, non seulement on ne sait pas comment c'est arrivé, mais on ne sait pas ce qui est arrivé. On voit juste du sang sur le mur. Ouais, on se dit, mais non, faut quand même que ce soit un minimum explicite, qu'on m'explique un petit peu quels sont les personnages, parce que dans le roman, le bébé meurt clairement. Dans le film, c'est même pas dit. Il n'y a rien qui est dit, tout est suggéré. On voit 2-3 taches de sang sur le mur, et il y a Becky qui se met à hurler à la mort, mais c'est tout. Et je me suis dit, mais non, faut le montrer un minimum. Donc du coup, je trouve que c'est pas utile de faire une adaptation comme ça. C'est où on montre un minimum, voire totalement où on le fait pas quoi. Et là le film ne l'a clairement pas fait. Et la réalisatrice d'ailleurs, Charles justement, qui l'avait vu au festival de Sarlat, s'est pas fait tomber dessus, mais tout le monde lui a demandé mais pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez changé. Déjà même le fait de commencer, de ne pas commencer par la fin, déjà ça aurait été largement plus intéressant je trouve, et peut-être que ça aurait donné un peu plus d'intérêt et de rythme, parce que forcément l'intérêt du bouquin c'est on commence par une scène de meurtre et c'est qu'est-ce qui va amener vers cette folie là. Et ce personnage, le personnage de cette nourrice qui s'appelle Louise, on ne sait pas vraiment qui elle est. Il y a rien qui est vraiment expliqué en fait dans ce truc. Il y a rien qui est clair en fait. C'est du flou, il y a rien qui est creusé. C'est frustrant, c'est décevant, c'est très mal joué je trouve à part Léa Becti. Clairement, c'est un flop total. Et d'ailleurs, le film se ramasse, ça se comprend. Je pensais que j'allais tenir mon drame français bien malsain et tout. Non, pas du tout. J'ai misé beaucoup trop haut. D'accord, ok, très bien. Bon ben dommage. Hein. Eddie, du coup, tu vas finir la Selec avec le film. Enfin, moi, je l'attendais énormément. Je suis déçu de pas pouvoir l'avoir vu à temps. Du coup, c'est The Irishman, le nouveau film de Martin Scorsese. Oui. Et ben moi aussi, c'est un film que j'attendais énormément. J'étais content du coup de me dire qu'en plus, je pourrais le voir à sa sortie puisqu'il sortait sur Netflix. J'ai vraiment pas été déçu du tout parce que c'est le Scorsese que j'aime quoi. C'est le Scorsese irrévérencieux mais à la fois passionné, trash mais en même temps tendre. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment toutes ces dimensions là que j'aime dans le cinéma de Scorsese qui filme des personnages et des acteurs et en fait The Irishman arrive vraiment à un moment en fait de la vie de Scorsese et à un moment de sa filmographie qui est un peu moi je le vois un peu comme un film somme, alors pas somme un film où on s'endort devant hein, bien sûr, mais vraiment un film c'est un peu comme une finalité quoi, quelque chose de une apologie, enfin il y a vraiment cette idée là qui je trouve ressort pour plein de raisons parce que déjà il y a le casting qui fait ça, on a Robert De Niro, on a Joe Pesci, donc ils sont quand même deux avec Robert De Niro deux acteurs phare du cinéma de Martin Scorsese et on a évidemment Al Pacino qui pour le coup c'est sa première collaboration mais voilà, donc déjà de par ça c'est vrai que ça évoque quand même autre chose qu'un simple film de gangster fait par Scorsese. Ça va plus loin, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un film sur le temps qui passe et sur comment c'est presque Scorsese qui poserait un regard sur ce qu'il a fait depuis qu'il réalise, en fait. Ouais. Donc il y a vraiment vraiment quelque chose. Je trouve que c'est le mot, en fait. Il y a vraiment de la tendresse pour cet univers-là et ces personnages-là que Scorsese chérit plus que tout, parce que c'est ce qu'il sait faire vraiment et c'est ce qu'il aime mettre en scène. Ouais. Et il le fait bien. Enfin, moi à la base, je le rappelle quand même, je suis pas ouais, client pas du tout les des films de gangsters, hein. Des films de malfrats et tout. Et Scorsese, c'est vraiment le seul qui arrive à t'y intéresser. Ah voilà, puis à me tenir sur la durée sur ces films-là, parce que The Irishman, c'est quand même 3h30. Voilà. Les Tarantino. Tarantino, mais c'est différent, c'est pas. Ouais. Je les vois pas forcément. Enfin, si. Oui, Tarantino aussi, dans un sens, parce qu'il a des personnages un peu de malfrats et de gangsters aussi. Mais Tarantino, il est plus sur des anti-héros. Sur des. Ah, bah, totalement. Sur des. Enfin, comme je l'ai mis quand j'ai parlé du dernier, Once Upon a Time, in Hollywood. Les héros l'emmerdent, en fait, Tarantino. Ça le fait chier, clairement. Lui, il parle des autres. Mais Scorsese, c'est pareil. Les héros, je pense que ça l'emmerde aussi. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que Frank Sheeran, c'est vraiment, enfin, qui est joué par De Niro, du coup, qui joue un Irlandais, c'est clairement, c'est un personnage totalement scorsésien qui peut faire des trucs dégueulasses, mais que l'on aime aussi parce que, De Niro, forcément, il a un charisme de fou qui perd rien malgré l'âge. Alors c'est vrai que les scènes où De Niro est rajeuni, on le sent un peu, on sent que c'est pas naturel, mais après moi j'ai tellement été emporté par le truc que ça dérange pas tellement. Non. Et j'ai même envie de dire que l'âge du personnage, enfin l'acteur est tellement bon que en fait l'âge que l'on veut nous raconter dans certaines scènes, ça comptait presque pas en fait pour moi. Et puis il y a un vrai plaisir, je trouve, à revoir Joe Pesci aussi, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ouais, c'est clair. Et qui joue, et c'est ce qui est très surprenant, c'est qu'il joue comme il jouait avant. Il joue le même genre de personnage, mais un peu énervé, un peu. Mais non, justement. Ouais. Beaucoup plus dans la retenue, parce qu'il peut plus s'énerver comme avant. Oui, c'est clair. Mais il est toujours nerveux un peu. Il a une... En fait, il y a une fougue dans le regard et il y a une... comment dire, on sent le Joe Pesci derrière, mais qui est obligé d'être beaucoup plus posé. Mais du coup, ça donne une composition totalement différente, mais qui est en même temps totalement lui. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Il y en a qu'on dit « Oh là là, le Joe Pesci fatigué et tout, ça fait de la peine. » Non, mais je trouve pas, justement. Je trouve qu'il est très... il est très bon dans la subtilité et c'est un bonheur de le revoir comme ça. Ouais. Alors après, oui, celui qui est vraiment le plus énervé de l'histoire, c'est Al Pacino. Ouais. Alors là, en termes de punchline et tout, moi j'ai adoré. Enfin, celle que j'ai mis sur Movies Nerd. Quel connard vient à une réunion en short. Bon, bah moi, ce genre de truc, on est vraiment des Scorsese. Hein, tout le monde est tiré à quatre épingles, machin. Oui, c'est clair. Donc c'est très drôle. Et puis alors tout le long comme ça, il a ces répliques là. Après deux mots sur le scénario. Alors c'est l'histoire en fait de Jimmy Hoffa. Qui est joué par Al Pacino. Et en fait, l'histoire va parler de sa disparition, qui a été un fait divers quand même très... très important. Ouais. Voilà, très important. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas la finalité de cette histoire-là. Et Scorsese essaie d'amener un semblant de... Pas de réponse, mais illustre ça. Et du coup, ça parle aussi de toute la pègre qui tourne autour, dont font partie Joe Pesci et Robert De Niro. On a Harvey Keitel aussi qu'on revoit. Ouais. Ah oui, ouais. Dans un rôle beaucoup plus petit, hein. Ouais. Et pas du tout en premier plan, très loin de là, mais il a le mérite d'être là. Et voilà. Donc pour moi c'est un Scorsese majeur. C'est certainement l'un de ceux que je préfère. D'accord. Ah oui, vraiment. Je vais pas te demander de le mettre dans un classement. Pour moi, en gros, c'est la fin de la trilogie Les Affranchis, Casino, Irishman, quoi. C'est totalement. Même si ça parle pas, enfin, c'est pas non, les mêmes non, histoires. Non, non, non. Mais c'est tellement le même genre de personnage et le. C'est presque. Enfin, c'est des. En fait, c'est des personnages qui. C'est des personnages qui de film en film se répondent presque. Ouais, et qui trouvent une finalité dans celui-là. C'est ça, parce qu'on a vraiment. Dans Les Affranchis, on a comment une petite frappe devient un vrai truand. Dans Casino, on a le mec bien installé. Mm-hmm. Qui gère son truc, machin. Bon, Casino reste mon préféré de tous les Scorsese avec Taxi Driver. Taxi Driver reste mon Scorsese préféré. Tu le mettrais devant Casino? Ah oui, tout confondu. Je pensais que tu. Tout confondu. Casino. Non, Taxi Driver, c'est pareil. Pour moi, c'est absolument parfait sur tous les points. Mais en termes de films de gangsters, Casino est mon préféré. D'accord. Voilà. Après du coup The Irishman, c'est clairement la conclusion, les plus vieux, quoi. C'est la fin d'une époque. C'est assez intéressant. C'est pas un film posthume, mais quasiment. C'est un film qui se présente un peu comme le dernier témoin, quoi, d'un âge qu'on n'a plus au cinéma, et c'est fait par un réalisateur et par des acteurs qui en ont donné finalement tout le tempo, en fait, au fil des années. Ouais. Donc c'est très, enfin, moi ça m'a touché de voir ça aussi, de voir que Scorsese, on pourrait se dire, c'est le vieux con qui critique Marvel et tout, et pas du tout, en fait, il arrive à prendre du recul sur son œuvre et sur le cinéma en général, et je trouve que c'est bien. Et réaliser des films de cette ampleur-là avec une telle énergie et une telle maîtrise de la mise en scène à près de 80 ans, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel. Voilà. Je repense au Loup de Wall Street, qui était son dernier gros film. Sortir le Loup de Wall Street il y a une petite dizaine, à peine 10 ans. Waouh, quoi, c'est quand même fort, je trouve. Oui, c'est clair. Donc voilà, c'est The Irishman, voilà, il faut se le caler, c'est sûr, il faut se l'enquiller, parce que c'est 3h30, mais moi j'ai pas vu le temps passer, très honnêtement. J'ai quasiment pas regardé mon portable pendant le film. Maison, donc t'es plus tenté de le faire. Et c'est ça. Et en général, c'est bon signe quand je le regarde pas. Donc, moi, je me suis vraiment laissé porter par le truc et j'ai adoré les dialogues, les scènes. Enfin, c'est ce que j'aime voir au cinéma, et c'est vraiment du très très bon Scorsese pour moi. D'accord, très bien. Du coup, on a fini la sélec et on va passer tout de suite au film du mois. C'est parti. On est donc à la rubrique du film du mois, et on va vous parler du film La Reine des Neiges 2, film plutôt attendu par pas mal de monde, puisque le premier avait fait sensation. Bah, le succès, À sa sortie en 2013, il me semble. J'ai toujours envie de dire 2014, mais pas du tout. Non, c'était 2013. Parce que 2014, je crois que c'était Nouveau Héros. C'est ça, ouais. C'était même 2000... Non, pas 2015. J'ai un doute parce que je les regardais pas tous au cinéma, ceux-là, à l'époque. Parce que Zootopie, c'était 2016. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et après Vaiana, c'était 2017. 2017, ouais. je sais plus. Mais en 2015, je ne sais plus. En 2015, je crois surtout qu'il y avait eu deux Pixar. Oui, voilà, c'était Vice Versa et Arlo. Et Arlo, oui. En tout cas, la Reine des Neiges, premier du nom, a marqué la culture de son empreinte, hein, ça c'est clair, on le voit partout. Et du coup, la Reine des Neiges 2, ben, qui est toujours réalisée par les mêmes personnes qui sont Chris Buck et Jennifer Lee, et au scénario également. C'est sorti aux États-Unis le 22 novembre 2019 et en France le 20 novembre 2019. Voilà. Pour ce qui est des voix, etc., on en parlera, je pense, après. Bon, est-ce que toi, tu l'as vu en VO, en VF ? Non, j'ai dû le... Enfin, je vais en parler, mais enfin, je vais en parler tout de suite. Frozen, La Reine des Neiges, le premier du nom, moi, je l'ai vu qu'en VO. Donc, quand il n'y avait que des séances en VF, comme il n'y avait que des séances en VF, j'étais obligé, c'est un grand mot obligé, mais du coup, j'ai dû le voir en VF, et j'avais un peu peur, parce que je suis assez habitué aux voix en VO, et finalement, le travail est plutôt correct. Honnêtement, les voix se correspondent plutôt pas mal. J'étais juste surpris pour Olaf au début. Ah bah, Danny Boone. Un peu de mal. Ouais. Voilà, et j'ai même pas reconnu sa voix. Je me suis dit. Et à la fin, quand il y a eu le générique, je me suis dit, ah, mais c'était Danny Boone. J'étais comme ça. J'étais pas au courant du tout que c'était lui. Non. Mais du coup, je savais pas qu'il chantait. Ça va. C'est plutôt. Ça passe, on va dire. Mais en VO, c'est Josh Gad. Eh oui. Qui est un acteur, qui est un chanteur de talent, je trouve. C'est le fou. Qui était dans Le Fou dans La Belle et la Bête, justement. Et qui avait d'autres comédies musicales à son actif. Et du coup, voilà. Ce film, toi, Eddie, est-ce que tu l'attendais déjà? Et qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je sais pas si je peux dire que je l'attendais. Je l'attendais. Quand on en parlait dans Parlons Cinéma, quand on avait vu la bande-annonce, je me rappelle qu'on disait qu'on était quand même curieux de voir ce que ça donnerait. En fait, oui, c'est ça. Parce que le truc, c'est que quand au tout premier moment, on a annoncé une suite à La Reine des Neiges, j'attendais pas. Parce que pour moi, La Reine des Neiges, c'était un conte qui se suffisait à lui-même, qui n'avait pas besoin de suite. Ouais. Et en général, les suites de contes chez Disney n'ont jamais été réussies. Après, parce qu'elles sortaient directement en vidéo. C'est ça. Et que la qualité ne suivait pas. Ici, on se dit, bon, ça sort au cinéma, c'est qu'ils y croient quand même plus. C'est aussi parce que je suis pas sûr que le marché de la vidéo les intéresse beaucoup maintenant. Maintenant, c'est plus Disney+. Hein. C'est ça. Vraiment. Donc, ça va être leur angle. Ce qui est assez compréhensible, de toute façon. Ouais. Du coup, c'est vrai que je peux pas dire que j'étais impatient, mais avec la première bonne annonce, du coup, c'est de la curiosité qui s'est mise en place. Donc voilà. Et après, arrivé au film en lui-même, étant donné les retours quand même largement positifs, moi pour la plupart, et surtout venant de fans Disney qui sont assez critiques sur les films d'animation parce que souvent moi il y en a que j'adore et j'ai vu beaucoup de gens par exemple préférer Mary Poppins, trouver Mary Poppins le retour de Mary Poppins plus original que Les Indestructibles 2. D'accord. Donc non mais c'est pour ça que bon, je me suis dit tiens. Ouais. Donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, par exemple, La Reine des Neiges ne se prêtait pas à avoir de suite, contrairement à Zootopie. Je voyais pas de ou les nouveaux héros. En fait, pour moi, c'est vraiment ces films-là qui, de par leur concept et leurs personnages et leur histoire, se prêtaient plus à avoir des suites parce que ça, les scénarios avaient quelque chose de plus épisodique, en fait. Et là, La Reine des Neiges, c'est le parcours initiatique, c'est plein de choses comme ça, et c'est vrai que c'est pas des sujets qui se prêtent vraiment à. Je veux dire, Elsa, elle a un milieu, un début, une fin dans son histoire dans le premier. On se dit pas comment est-ce que ça peut aller plus loin. Moi, je trouve qu'il y a quand même des questions qui sont restées, qui restent sans réponse dans le premier et qui trouvent des résolutions dans celui-ci. D'accord. Par exemple, ce qui arrivait aux parents, où est-ce qu'ils allaient? C'est là où la suite est maligne, parce qu'elle reprend finalement des éléments qui sont les éléments de base d'une origin story, telles qu'elles étaient mises en place dans le premier. Bah forcément, elles perdent leurs parents, donc Elsa va devenir la reine, mais son pouvoir va l'empêcher d'exercer complètement ses fonctions, etc. Ouais. Donc c'était vraiment, c'était le schéma classique. Et ici, en fait, on reprend ces éléments qui peuvent paraître anodins, puis tellement ancrés en fait dans l'écriture classique des contes. Du coup, on reprend ça pour en faire des éléments majeurs et qui ont une vraie incidence sur le background en fait, bah déjà des personnages eux-mêmes, mais de l'histoire et de l'univers. Donc c'est ça qui est intéressant. Le problème que j'ai moi avec La Reine des Neiges 2, c'est que on reprend en fait tous ces éléments là qu'on rend intéressants, mais on n'approfondit rien. On n'approfondit pas grand chose, je trouve, au profit justement des chansons, des choses qui marchent. Et ça m'emmerde un peu parce que je trouve qu'il y a par exemple trop de chansons dans La Reine des Neiges 2, là où il y aurait pu peut-être avoir un peu plus d'histoire. Et paradoxalement, je trouve que le film a des problèmes de rythme et bien souvent je me suis ennuyé en fait. Chose qui m'arrive très rarement. Oui. Chose qui m'arrive très rarement dans les films d'animation, je trouve que le film gagne vraiment en intérêt dans sa dernière demi-heure. Voilà. Et que tout le début c'est très laborieux, l'apparition de jusqu'au moment où le titre apparaît, je trouve presque ça peu qualitatif en termes de mise en scène. D'accord. Et beaucoup de petits éléments comme ça qui m'ont paru un peu bizarres, un peu je me dis tiens, je les sentais beaucoup plus inspirés sur le premier ou et alors que d'un autre côté, je veux aussi dire que bah il y a des éléments de scénario qui sont plus intéressants, plus sombres et malheureusement ça va pas au bout, je trouve. Mais la dernière demi-heure, ça s'envole, ça c'est vraiment intéressant, c'est profond, c'est émouvant et voilà. Le problème c'est que ça ne suit pas et je trouve que le film est malheureusement constamment comme ça. Par exemple, la chanson de Christophe qui est censée normalement, enfin on est dans une comédie musicale, donc les chansons traduisent les émotions des personnages, sont censées représenter ce qu'ils sont intérieurement. Ah ben, si je me base vraiment là-dessus, mais Christophe est un gros ringard, en fait. Oui. Voilà. Et ça ne fonctionne pas, parce que tout le long de la chanson, on se dit que c'est une parodie. On a les reines qui font des têtes bizarres, des machins, et on s'attend à ce qu'à la fin... Christophe lui-même se fasse, mais pourquoi est-ce que je chante d'une manière aussi débile, quoi? Et en fait, non, pas du tout. Donc, en fait, on instaure un truc un peu parodique, mais c'est pas du tout assumé. Ce genre de petits détails, c'est un peu dommage parce que Que sur cette chanson, justement, ils arrivent à naviguer sur la, franchement, très finement entre, sans tomber vraiment dans la parodie, quoi, complètement. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Si tu l'écoutes la chanson, vraiment, les paroles elles sont pas si idiotes que ça. Non, en fait. Mais c'est le problème c'est que c'est le côté très High School Musical, Boys Band to Be Free, quoi. Oui. Ça bien en sûr. Fait, ça casse vraiment toute l'émotion, je trouve, de la scène. Non, mais bien sûr. En fait, le truc c'est que, enfin, moi personnellement, je l'ai trouvé. Je trouvais que ça naviguait habilement entre le ridicule. Enfin, ça tombe jamais dans. Je trouve que ça tombe pas dans le ridicule complet. Mais en même temps, ça c'est pas comment dire. Ça reste encore émouvant, mais tout en fait, ça arrive à être émouvant en étant drôle en même temps. C'est ça que je trouve assez réussi. Après, je peux comprendre que cette scène peut déranger. Bah, en fait, j'ai trouvé que c'était une scène qui était ridicule malgré elle, quoi. D'accord. Qu'on essayait de jouer. J'ai bien senti le côté volontairement décalé et tout. Ah oui, non, mais que forcément, c'est la seule chanson du mec du film et que c'est un film qui est résolument féministe, hein, La Reine des Neiges. Oui, oui. Et que du coup, ce personnage-là, on lui colle une chanson parce qu'il faut bien que chacun ait sa chanson. Mais du coup, on en fait, oui, vraiment un bêta, quoi. Et ça m'a. Non, j'ai trouvé ça dommage. Je trouvais ça dommage. Alors que les chansons d'Olaf passent mieux, parce que c'est un personnage qui est résolument comique. Oui, bien sûr. Mais en même temps, dans la chanson d'Olaf, il y a quelque chose de profondément mélancolique aussi. Oui, oui. Tu vois. Mais disons que la manière dont elle est faite colle mieux à la caractérisation du personnage. Ouais. D'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après oui, hein, c'est sûr, si on va par là, Christophe, il est un peu maladroit, un peu balourd. Mais oui, il est maladroit. Mais je trouve que la chanson est trop appuyée, quoi. C'est trop. Ouais. Je me dis, mais ça peut pas devenir un classique, cette chanson-là, quoi. C'est trop ridicule. Et d'accord, je trouve qu'en termes de parodie, les mondes de Ralph réussissaient mieux, en fait, la chanson. D'accord. Mm. Bon, je l'ai pas. Le deuxième, tu veux. Oui, les mondes de Ralph 2, oui. Ouais. Mm. Enfin, Ralph 2.0, là. Ouais. Mm. D'accord. Ok. Du coup, enfin, ouais. Pour. Si c'est. Enfin, c'est. Je vais y arriver. C'est pas grave. Du coup, c'est tout ce que tu voulais dire sur le. Sur bah le film. Après, j'ai pas. Enfin, c'est ça, c'est que le bilan est un peu terne, quoi. Je m'attendais à plus de magie, plus de féerie. Alors bon, il y en a, hein, de la magie. On a toute la mythologie et tout. Mais c'est pareil. Je suis pas. J'ai pas réussi, quoi. Et j'en suis le premier étonné. Je me dis, mais d'habitude, c'est ma cam, ça marche bien sur moi, ça. C'est. Ouais, c'est pour ça m'étonne, en fait. Et vraiment... là, non, je trouve. Il me manque un truc. D'accord. Alors, je dis pas. Et c'est pas forcément un problème. Pour moi, c'est pas un problème de. C'est pas un problème de suite. J'irais pas dire que c'est une mauvaise suite. Non. Pour moi, c'est pas une suite inutile, hein, clairement. Quoi ? Je trouve. C'est pas une suite inutile. Ah non, au contraire, je trouve qu'ils arrivent bien à reprendre le truc et à étoffer là-dessus. Elle a une autre fonction que la suite financière, donc ça, c'est bien. Mm-hmm. Mais le problème, c'est ça. C'est que je trouve que tout ce qu'ils essayent de raconter, c'est jamais fait à fond. Et c'est un film qui peine à vraiment trouver de la substance, en fait, dans son propos. Mmh. Alors qu'il a un propos intéressant. Je me dis, c'est dommage qu'on n'avait pas au fond des choses, alors que malgré tout, ils prennent leur temps sur plein de trucs. Et en fait, je pense que le film n'insiste pas sur les éléments importants de son histoire. Sauf dans sa dernière demi-heure. Et que du coup, on préfère caler des chansons parce que c'est ce que les enfants aiment, machin. Et le problème, c'est que... Le Disney, on va le voir en famille et où on va le voir en étant adulte. Moi, j'y vais sans enfant. Mais du coup, moi, je me dis, mince, j'ai un peu l'impression que là, pour le coup, ils nous ont oubliés, quoi. D'accord. Ouais. Et moi, du coup, là, j'ai pas réussi à le voir avec mon âme d'enfant, presque. Ouais. Ouais, je vois. Ou alors, je suis trop dans l'analyse et je cherche à trop intellectualiser certains trucs. Non, et le problème, c'est pas. Qu'il y a du fond derrière que je perçois. Et forcément, si tu perçois le fond, mais tu cherches, tu essayes d'analyser un minimum. Et le problème, c'est que quand tu vas dans l'analyse, tu tombes forcément sur le fait que le film a des idées, qu'il tente de les mettre en place, mais que c'est pas complètement en place pour autant dans l'histoire et que du coup, tout le cheminement, toute la narration a parfois des problèmes. Et je trouve ça assez dommage parce que d'un autre côté, c'est très intéressant. Le fond est plus intéressant que la forme, en fait, je trouve, là, pour le coup. Même si la forme reste très belle, les images sont sublimes, la mise en scène aussi. Il y a certains passages santé qui sont intéressants, mais j'ai rien trouvé de très marquant au niveau des chansons, malgré le fait que, oui, dans la dernière demi-heure, la chanson d'Anna, par exemple, est beaucoup plus... est assez émouvante. Mais il n'y a pas l'impact d'une délivrée, mais à la limite, ça, c'est pas le problème. Parce que... Mais ça, on s'en fiche. Je pense pas qu'ils cherchaient à faire un... Oh bah si, clairement. Dans un autre monde ou To the Unknown, en anglais, clairement, si, ça allait penser pour être le nouvel hymne, si. Mais elle n'en a pas la force. Et là où je trouve que... Là où pour moi, il y a quelque chose de raté, c'est que, par exemple, je trouve que la reprise de To the Unknown par Panic at the Disco dans le générique passe beaucoup mieux que quand elle est chantée dans le film. En VO ou en VF ? Moi, j'ai vu en VF, mais c'est vrai que quand je l'écoute en VO, elle passe mieux. Mais je trouve que dans le film, elle démarre pas au bon moment. Enfin, c'est pareil. Elle se met à chanter, c'est en pleine nuit dans le château, tout le monde dort. C'est des petits trucs comme ça, je trouve. Mais merde, quoi. Après, voilà, on est dans une comédie musicale, les chansons peuvent être c'est des apartés, Voilà, c'est ça. Ça répond pas à une logique particulière, mais, Mais je sais pas. Il y a un truc qui me chiffonne dans ce film, et c'est pour ça que je pense qu'il faut en fait le. Je pense que c'est vraiment un film à revoir deux fois. Mais c'était trop ambitieux pour un film d'animation et on n'est pas habitué à ça. Hein. Peut-être que c'est simplement ça et qui fait que sur moi ça fonctionne moins. Mais après le voilà, hein, je le reconnais. Hein, le film a des qualités indéniables. Hein, c'est pas le souci, mais je trouve qu'il y a des passages qui ne fonctionnent pas. Et c'est vrai que oui, le passage de Christophe, moi non, c'est pour moi il y a un vrai problème de. On n'assume pas forcément le côté parodique qu'on essaie d'instaurer. Et soit on joue la carte du second degré et du méta à fond, soit on le fait pas quoi. Et en cela, oui, je trouve que Les Mondes de Ralph 2 est beaucoup plus intéressant. Vanellope qui a une chanson un peu une chanson de princesse composée par Alan Menken. Et ça a une autre saveur quoi. Ça a une autre. Je trouve que ça et ça a un autre impact aussi. Sur tout ce que peut faire Disney, il y a beaucoup de mise en abîme aussi dans Les Mondes de Rêve, donc peut-être que la chanson a un autre sens dans la logique du film, mais là fallait Christophe et sa chanson, et je trouve que bon voilà. Après, en termes d'humour et tout, je trouve que ça fonctionne bien. Olaf m'a beaucoup fait rire, enfin les petits résumés d'Olaf, c'est excellent. C'est super bien écrit, hein, ouais. Honnêtement. Enfin, et les personnages, j'aime bien, hein, c'est des personnages que je trouve toujours attachants. La relation entre Elsa et Anna fonctionne très bien. C'est une belle relation d'amour fraternel. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hein, c'est un film qui m'a laissé un peu pantois. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Et du coup, Morgane, toi, qu'est-ce que tu penses de La Reine des Neiges 2? Je l'ai déjà oublié ce film. Je sais même pas quoi en dire. J'ai rien écrit dessus, j'ai rien préparé parce que je l'ai vu, je sais. J'ai pas trouvé ça horrible, clairement. J'ai trouvé ça chiant, ça c'est clair. D'accord. En fait, je trouvais que par rapport au premier, le premier avait. Je pense que c'est le mot, de toute façon, c'est plus chiant que horrible, en fait. Oui, voilà, c'est même pas utile, c'est même pas pertinent. C'est une suite pour faire une suite. Le premier, sans dire que ça suffisait à lui-même, mais au moins, il y avait une magie derrière. Il y avait des chansons qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Libéré, délivré, je sais qu'on a été martelé par ça, mais ça reste la dernière chanson d'un Disney dont on se souvient. Moi, j'ai vu le film en salle, et beaucoup de personnes me disent oui, mais c'est parce que après, on l'entendait partout. Non, quand on voyait La Reine des Neiges 1 en salle, on sortait. Libéré, délivré, on l'avait en tête parce qu'il y avait la scène qui allait avec, il y avait toute sa symbolique derrière. C'est aussi un grand film avec. Alors là, il y en a un dans celui-là aussi, quand même. Hein, je trouve qu'ils essayent, à chaque fois, ils essayent de faire, et c'est impossible à faire de toute façon. On peut pas de toute façon surpasser Libéré, délivré en termes d'impact, j'ai envie de dire. Mais il y a des chansons qui ont des thématiques très fortes aussi dans celui-là. De manière générale, le film a des thématiques fortes, je trouve, La Reine des Neiges 2, mais c'est juste que tout est mal amené. C'est mal amené, je trouve ça maladroit, je trouve ça. Parce que même en termes de suite, il y a une histoire originale derrière. Oui, c'est sûr. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir quelque chose de véritablement neuf, ni de. Je me suis pas dit, ah oui, d'accord, donc je comprends pourquoi on a fait une suite, parce qu'il fallait raconter ça. Même les personnages, j'ai totalement oublié son nom, le petit personnage là, le truc qui sert juste à vendre des jouets, clairement, hein, comment il s'appelle Mais il y a pas de nom, enfin, je crois pas qu'il y ait. Si, il y a un nom, la petite salamandre. Oui, et d'ailleurs sur Twitter, il y en a plein qui, parce que le nom a été cité par justement le Twitter officiel de Disney, et il y en a plein qui ont dit tiens c'est bizarre, le personnage est tellement attachant que je savais même pas qu'il avait un nom. Et c'est ça le problème, c'est que il y a des choses visuellement, il y avait tellement plus de promesses, je trouve que ça respecte jamais vraiment ces promesses. Oh non, c'est très quoi, très beau. Oh, visuellement, attends. C'est beau. Non, mais c'est beau. C'est, tu veux pas dire beau. Ça Non, non. Visuellement, c'est, beau, c'est quand même super beau. On parlait de l'eau j'ai pas dit que c'était moche, mais visuellement, je trouve que c'est beau, mais heureusement que c'est beau, vu le prix que ça a coûté. Disney, en plus, ce serait dommage que ce soit moche. Mais autant le premier, je trouvais qu'il y avait des choses que j'avais pas jamais vues, mais il y avait... il y avait quand même des choses un peu marquantes quelque part. Il y avait une série ça, c'est qu'il n'y a pas dans le deux. Ouais, c'est ça. Moi, ça me frustre. Mmh. Pour une suite, je trouve ça vachement plat, quoi. Et, enfin, sans dire que c'est mauvais, je suis sorti de là en me disant, ok, d'accord, quoi. J'ai le film, j'ai totalement oublié. Hein. Mmh. Donc, c'est pas méchant en soi. Je ne serai pas dans mon flop ni rien. Mmh. Moi, je pense que c'est un film qu'il faut revoir. Je pense. Moi aussi, je pense. Parce que tu. En fait, c'est plus surprenant que ça en a l'air. Je pense que on y va, on se dit, oh, ça va être la suite de La Reine des Neiges, machin. Mais en fait, tu y vas, mais c'est peut-être beaucoup plus couillu qu'on le pense. Ouais, ouais. Et je pense qu'on perçoit pas, en fait, toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans l'écriture derrière. Mmh. Et ouais. À mon avis, c'est quelque chose de beaucoup plus sombre que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et c'est pas évident à cerner. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal hein, à poser des mots dessus déjà et à me faire un avis. Alors, mon avis global est pas vraiment éloigné du tien, Morgane, mais j'ai eu du mal à le sortir. J'ai eu du mal à le formuler parce que j'étais très partagé entre l'idée de me dire, mais il y a quand même des thématiques qui sont là, je peux pas les nier, mais en même temps, c'est pas pour autant que c'est réussi. Mais à côté, il y a des bonnes chansons, je veux dire, attends, toute la fin, avec la chanson d'Anna, c'est quand même très très fort pour un. C'est, enfin, Là, ça m'a rien fait. Moi. Ah ouais? Je sais pas. Rien du tout. Moi, je. Déchire le cœur, Morgan. Ouais, pourtant, c'est. autant la chanson de Christophe, on est d'accord, c'est une catastrophe. Je suis pas d'accord. Mais. Mais il y a trop de chansons de manière générale, ça on est d'accord. Mais il y a des passages quand même moi qui m'ont marqué. Oui, il y a quelques fulgurances. Et c'est ce qui m'énerve un peu parce que du coup je me dis putain, il y a des super passages qui racontent plein de trucs et à côté on va pas plus loin. C'est ça qui m'emmerde. Oui, non, mais il y a quelques fulgurances, je suis d'accord. Mais après, non, ça m'a pas plu. Je le reverrai pas tout de suite. C'est pas un film que j'ai envie de revoir, contrairement au Tarantino où je sais que j'ai raté plein de trucs. Et d'ailleurs, je vais recevoir le Blu-ray aujourd'hui, en ce 14 décembre. Je l'ai commandé sur Amazon. Donc je vais le revoir, il n'y a pas de souci. Mais là, La Reine des Neiges, clairement. Non. Ok. Voilà. Très bien. Bon, ben voilà. Du coup, moi, mon avis dessus, déjà à l'heure où vous écouterez ce podcast, il y a une critique de moi-même qui est sortie sur le site, et si tout va bien. Bon, elle est déjà écrite, hein, donc, écrite, donc ça devrait le faire. Donc, je vous invite, si vous voulez un avis plus concis, plus complet sur le film, à aller la lire. Et à lire aussi la critique d'Eddie. Mais je pense qu'elle sera plus claire que mon avis aussi. Bon, j'ai essayé, hein, je l'ai pas mal réécrite pour essayer de trouver quelque chose, enfin, d'être clair, mais bon, voilà, bon, bref. Donc, La Reine des Neiges 2, à la base, c'est pas un film non plus qui me tentait. J'ai beaucoup d'affection pour le premier film, en fait, je le trouve drôle, touchant, avec de très jolis visuels et des chansons qui sont vraiment très bien écrites, pardon. C'est du fait que j'adore les personnes qui sont derrière les chansons, qui sont Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez, qui sont de super bons paroliers et super bons musiciens. Enfin, ils arrivent à faire des mélodies qui restent en tête. Et du coup, ce film, je l'abordais pas non plus. Enfin, j'allais le voir. C'était pas non plus la plus grosse attente, clairement, de cette année. C'était pas non plus la plus grosse attente animée de cette année. Voilà. Mais j'étais curieux. Et finalement, en fait, moi, j'étais déjà visuellement. Pour moi, c'est là où vraiment la force du film. Enfin, il y a une force aussi dans la narration, mais visuellement, ça, c'est juste sublime. Mais la narration passe par le visuel, de toute façon. Là. Voilà, clairement, clairement. Mais aussi par l'écriture des chansons, que je trouve aussi. J'en parlerai juste après. L'animation, des visages des personnages, c'est vraiment très précis. On arrive. Les expressions sont très détaillées et différentes selon les personnalités. Donc il y a beaucoup de justesse en fait dans les émotions et les pensées des personnages. On ressent face à leur visage. Les objets animés, que ce soit les personnages ou les animaux ou les créatures, en fait la façon dont ils se déplacent dans l'univers, je trouve que c'est, ils ont tous aussi quelque chose de spécifique, une mention spéciale par exemple au colosse de pierre ou au cheval d'eau, qui sont tout simplement incroyables à voir, à se déplacer, à interagir avec leur univers, enfin c'est fou hein. Je trouve aussi que les peaux des personnages sont un peu plus, font un peu moins aspect, comme je le dis dans ma critique, poupée de porcelaine. Il y a un peu plus de détails, d'aspérité, etc. Ça rend les personnages plus crédibles. Les événements météorologiques du film, c'est ça où je me suis, par exemple, tout ce qui touche à l'eau ou au brouillard, c'est fait avec c'est une gestion tellement fine et tellement c'est super joli à voir, quoi. Le brouillard, il est plein de nuances, de textures. L'eau est, tu sens vraiment à chaque fois je dis ça, mais c'est vraiment une étape encore supérieure, parce que t'as l'impression d'avoir chaque gouttelette différente. Il y a un moment où il y a pas mal d'eau qui se déverse, je vais pas en dire plus. La façon dont c'est mis en scène et la façon dont c'est technologiquement, c'est vraiment impressionnant, quoi. On sent le travail des animateurs à vouloir rendre un rendu le plus réaliste possible, c'est vraiment très, très réussi. Pour ce qui est de l'histoire, c'est vrai, honnêtement, je peux pas le nier qu'il y a quelques problèmes d'écriture, comme tu as dit. Il y a des lenteurs. Moi, j'ai pas non plus trouvé. Je les ai trouvés minimes, c'est-à-dire que je me suis ennuyé peut-être 10 minutes sur tout le film pendant. À peu près au milieu du film, quoi. C'est plusieurs scènes collées bout à bout qui, je trouve, ne font pas beaucoup avancer l'intrigue. Mais à part ça, le fait qu'on dévoile plus sur les personnages, ça m'a beaucoup plu. Le fait que pour moi un des plus beaux aspects de cette saga de films, enfin de cette série de films plutôt, c'est l'amour entre Anna et Elsa, l'amour sororal. Alors celui-là, j'ai dû le chercher, ce mot. Ça veut dire fraternel, mais pour les sœurs. Et du coup, est vraiment bien exploité, tu vois, et même visuellement, elles se tiennent la main, et par les mots qu'elles se disent à chacune d'elles, enfin, c'est vraiment, tu ressens l'amour profond. Ah oui, oui, oui. Et en même temps, ils pouvaient pas le louper non plus, parce que c'est vraiment, enfin, c'est dans le premier, c'est l'amour d'Elsa pour sa sœur qui la sauve, quoi. Donc, qui la sauve, ouais. C'est ça, exactement. Et un peu là aussi, d'ailleurs. Cet aspect est vraiment très réussi, mais en même temps il y a le côté où, par exemple, Elsa, elle a envie de faire elle a envie de s'émanciper un peu, de vraiment être qui elle est profondément et pas se cantonner à son rôle de reine, de Arendelle. Et Anna, on voit un peu la douleur que ça lui procure, puisqu'elle est vraiment surprotectrice envers sa sœur. Et tout ça, tout cet aspect, justement, moi je l'ai trouvé super bien écrit et super bien amené, avec la chanson aussi à la fin, la chanson d'Anna qui est déchirante, honnêtement. Je peux pas dire que j'ai pas versé ma petite larme, parce que je la trouve vraiment sublime, en fait. Je la comparais pas non plus à la chanson dans Coco, parce que là c'était vraiment, mais c'est un peu dans le même style d'émotion qu'on va, et je trouve que c'est très bien réussi. Pour parler rapidement des chansons, ce que j'adore, c'est vraiment l'écriture et les mélodies qui sont, moi je trouve, superbement travaillées, somptueuses, et le niveau de production qui semble vraiment avoir pris un cran supplémentaire. On a l'impression d'avoir des vrais numéros musicaux sortie de Broadway, quoi. La chanson de Olaf, par exemple, c'est vraiment typiquement un truc que tu verrais sur scène, et qui a été qui est très bien mise en scène et très bien écrit pour le film d'animation. Et pour moi, l'exemple le plus parlant de la qualité d'écriture des chansons, c'est la première chanson du film, qui est la berceuse d'Atola, oui. Pardon. C'est All Is Found en anglais, c'est plus simple, qui est chantée par la mère de Anna et Elsa. Et en fait, quand vous l'écoutez la première fois, d'accord, c'est une berceuse, en fait, c'est une sorte de berceuse, mais Ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous la réécoutez après avoir vu le film, elle explique tout ce qui va se passer dans le film et elle explique comment Elsa va trouver ses pouvoirs, ce qu'elle va y trouver, justement. Pas que des choses jolies, je vais pas en dire plus, mais voilà. Et tout est expliqué et écrit d'une façon profondément poétique qui est, moi, ça m'a déchiré le cœur quand je l'ai réécouté. Et qui m'a juste envie de revoir, donner envie de revoir le film. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les crédits de fin pour l'histoire du film, les paroliers sont cités au même titre que les scénaristes du film. Oui. Voilà, c'est clairement tout. Et je prends un exemple, mais c'est toutes les chansons, même les plus insignifiantes comme celle de Christophe, qui, c'est vrai, honnêtement, si je suis objectif, 3 secondes, elle a rien à foutre dans ce film. Mais moi, j'ai passé un moment, je me suis éclaté, quoi. C'était tellement drôle et j'avais un fou rire devant cette scène. Enfin bref, je la trouve bien mise en scène. Dans son esprit, je la trouve bien mise en scène. Mais je trouve qu'elle a rien à foutre objectivement dans ce film. C'est voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, je vous invite à voir le clip du groupe Weezer qui a pris la chanson sur la chaîne Disney et qui a refait toute la scène avec Kristen Bell avec le costume de Dana qui est super bien. Ils refont toute la scène et c'est génial. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Moi, j'ai passé un plutôt bon moment. Je voulais finir sur les thèmes abordés que je trouve. Enfin, moi, honnêtement, quand j'allais voir La Reine des Neiges 2, je pensais pas avoir des thèmes aussi forts. Et par exemple, il y a une grosse partie du film qui parle de l'acceptation de son héritage culturel et personnel, dans ce qu'il a de bon et de mauvais, et comment dépasser tout cela et avancer dans sa vie sans se laisser dévorer par son héritage. Tout en n'oubliant pas le passé, bien sûr, mais également, comme j'en ai parlé pour la chanson d'Anna sur d'Anna et aussi sur toute sa partie sur Protectrice, le deuil et la façon de le gérer et ce que ça inflige aussi sur une personne. Moi je trouve que les thèmes abordés sont plutôt intéressants et plutôt bien développés. Alors on n'est pas on n'est pas dans un Malick, hein. Non, mais on peut pas nier qu'il y a une profondeur, hein. Ça c'est indéniable. Mais... après, c'est plus la manière dont c'est fait, moi, qui fonctionne moins. Mais après, dérange, peut-être que ce sera complètement au revisionnage. Hein. Ça sera complètement possible, différent, hein. Peut-être. Je pense que ça lui fait le problème, ça lui fait préjudice le fait qu'il ait des moments de faiblesse dans le rythme. De toute façon, je pense que le premier ennemi de ce film, c'est d'être la suite de La Reine des Neiges. C'est pas faux. Ça, c'est sûr, hein. Parce que si c'était un film standalone, à lui-même, je pense qu'il aurait été mieux reçu. Peut-être. Ça aurait été le premier de la série, peut-être qu'on l'aurait perçu complètement différemment. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, je veux dire, celui-là, ce film, il n'a pas besoin de nous. Hein. Il fonctionne très, très bien au box-office. Il a des critiques assez bonnes aussi. Voilà. Tout va bien pour Disney, hein, pas de soucis. Hein. il n'y a aucun souci. C'est un film, j'ai passé vraiment un super moment. Je peux pas nier que... j'ai les chansons dans mes oreilles depuis 4-5 jours, depuis que j'ai vu le film. C'est un plaisir sans nom. Voilà. visuellement, moi, j'ai pris ma claque Disney. On a fini sur La Reine des Neiges. Et puis, on va passer à La Minute Nerd. C'est parti. On est donc à la Minute Nerd et c'est à Morgan du coup, puisque c'est son retour, c'était à lui de choisir de quoi il allait parler. Et ben du coup on te laisse la parole, tu as la tribune pour parler de ce que tu veux. Ouais, bon, ça va être très court et j'avais pas vraiment d'idée. Puis c'est vrai qu'en ce moment, je suis en boucle sur un album. Alors, c'est vrai que quand on dit musique Morgan, on peut avoir peur. Parce que je le dis. Se préparer psychologiquement à tout. Voilà, je le dis et je le redis. Je suis allé voir Frédéric François il y a un mois en concert aux Zénith de Rouen. Il y avait beaucoup de papy-mamie dans la salle. J'ai vraiment kiffé. J'étais aux anges. Mais c'est cool. Mais voilà, et au mois de juin, je vais voir Céline Dion, catégorie or à Bercy. Donc, vous voyez, je suis très éclectique. Ouais, non, mais comme je pense que là, en fait, on a une bonne définition de la tristesse quand même. Lyon quand même. C'est une bonne illustration de. Alors voilà. Pour mon compte bancaire oui parce que ça m'a coûté 150 balles la place. Wow. Pour qui? Céline Dion ouais 150. Non mais. Mais bon. Catégorie. Non, mais peux... Fredo, je l'appelle Fredo, 70 euros quand même. Oh là là. Putain. Ouais. Wow. Et donc alors là je vais parler d'un bonne illustration de la banqueroute aussi. Et plutôt sympa, et de mon découvert aussi. Et plutôt sympa, c'est un album que j'ai découvert cet été. Et comme j'ai pas pu en parler parce que j'étais pas revenu, là je vais en parler. Mm-hmm. C'est un album de deux jeunes artistes françaises qui n'ont aucune autre prétention. Ils ont pas la prétention de révolutionner quoi que ce soit. Ils n'ont aucun talent. Non, elles en ont. Et d'ailleurs, je vais aussi aller les voir, je pense, en concert à Rouen. Oui, quitte à avoir pété ton PEL. Bon, ça va, 22 euros la place. Oui, c'est non, donné. Là ça va. Oui, là, non, mais va. Je trouve que les jeunes artistes, ils font moins cher leur place. Non, mais ils sont moins cher. Ouais, même Cœur de Pirate que j'étais allé voir, j'avais payé 25 euros. Oui, enfin, voilà. Non, ma soeur avait payé. Tu vois, c'est correct. Faire, alors que 150 euros une place. Non, mais c'est n'importe quoi. Ah, mais c'est sûr. Ouais. Bah, c'est pas... Honnêtement, ça va, hein, parce que Elton John, c'est 250. Ouais, non, mais voilà. Mais bon, Céline Dion, ça reste relativement. Ça va. Enfin, par rapport à son aura, ça aurait pu être plus. Sachez que les places à Monaco, ça allait jusqu'à 5000 euros. Mais Monaco. Non, mais voilà. Mais voilà. C'est hors catégorie. Ça fait voilà, non, mais c'est pour dire. Donc c'est un album. Mais t'avais pas dit le titre en fait encore. Alors je ne connais pas le titre de l'album. Ah. Mais je crois qu'il y a pas de titre. C'est l'album des Frangines. Enfin c'est un duo qui s'appelle Les Frangines. Alors vous connaissez peut-être leur chanson qui peut-être agace beaucoup de personnes qui s'appelle Donnez-moi. Mmh. Je ne vais pas vous la chanter. Moi c'est une chanson qui fait mon bonheur et le malheur de mon copain parce que je vis avec lui depuis le mois de septembre et il adore m'entendre chanter Les Frangines. Mmh. Non c'est un en album. En même temps que sur Donnez-moi il avait soit le choix entre Les Frangines ou Enrico Macias donc bon. Je chante les deux sous la douche. Voilà. C'est véridique. Non, il a vraiment toute ma sympathie. Hein. J'invite évidemment à les personnes à écouter cet album parce qu'en fait, hors cette chanson-là qui peut un peu être agaçante, il y a des chansons qui sont, je trouve, sublimes, notamment une qui s'appelle On aimerait, qui est une espèce de ballade, pas folk, mais comment dire, un peu celtique. Mmh. C'est vachement beau, c'est émouvant. La première fois que j'ai entendu, j'ai entendu cette chanson-là, j'en ai pleuré. Mais vraiment. Celtique, celtique. Non mais je pense... en fait comme non parce que celtique là tu parles de chez moi alors ne dis pas n'importe quoi. Non mais enfin pas celtique version de Nolwenn Leroy. Non pas de la folk parce que c'est très doux, c'est une balade, c'est une chanson. Alors tu vois déjà associé celtique et Nolwenn Leroy. Non mais non mais non parce que c'est tout à fait. Alors tu vois c'est le genre de phrase tu sors ça en Bretagne. Tu ne ressors pas. Non, mais je veux dire, c'est pas le côté genre folk, façon, vous savez, la danse dans Titanic, là. Mais c'est non, pas mais... un truc très dynamique. C'est vraiment une balade et c'est extrêmement émouvant. Il y a plein de chansons comme ça. C'est très léger, finalement. Ça révolutionne rien. Mais j'ai trouvé l'album vachement, vachement appréciable, vachement beau. Il y a des chansons qui sont très belles. Donc, bon, j'avais pas d'autres idées. Donc, je vous invite quand même à aller essayer. Franchement, c'est pas mal. On va mettre un extrait juste avant la fin. Ouais, la chanson, c'est On aimerait. On aimerait, voilà. On va mettre cet extrait. Et ouais. Puis, vous pourrez juger par vous-même si vous voulez écouter l'album en entier ou pas. Voilà. Et les deux, voilà, les deux voix se marient vachement bien. Non, franchement, j'ai rien que pour trouver l'album plutôt réussi. J'allais dire rigolo. Moi, je déteste pas. Hein. J'ai entendu une chanson. Bon, après, le problème, c'est c'est comme tout, quoi, c'est qu'on les entend trop. Non mais même moi la chanson Donnez-moi j'en ai un peu marre parce que c'est pas la meilleure de l'album et c'est celle qu'on retient le plus parce que c'est vrai que le la mélodie plus, est sortie pendant ouais puis c'est sorti cet été c'était vachement c'est un peu ça fait un peu même elles le disent hein, ça fait un peu des chansons enfin les gens peuvent penser qu'on a des chansons un peu genre scout enfin un peu elle descend de la montagne à cheval. Ouais ça fait un peu comme ça mais un peu zaz un peu machin ouais. Ah non mais pas non, zaz franchement par pitié, non mais franchement ça s'écoute enfin voilà après je peux comprendre qu'on aime pas la musique c'est tellement subjectif bah oui voilà. Non mais c'est très bien merci de toute façon, Morgan je pense que j'aurai bien toujours un sujet de discorde entre nous Morgan ça sera musicalement parlant. Ah, mais je suis d'accord. Ah, ça, c'est sûr, vraiment, ouais, ça, c'est sûr. Je pense que là, on sera jamais... jamais réconcilié. Mais non. Si, mais vous, je suis sûr qu'il y a au moins un artiste que vous aimez tous les deux. C'est... Céline Dion. C'est... Ou Elton John. Non. T'aimes pas Elton John? Ah oui, c'est vrai. Non, je suis Elton John. Ok. Mais Céline Dion, aimé, oui. Non, mais par contre, j'irai pas mettre 150 euros. Ouais. Ok, très bien. Bah voilà, merci Morgane pour cette minute nerd. Et puis du coup, on va passer à la fin, juste après l'extrait de On aimerait. Voilà. On se croirait à la radio. Et ça y est, c'est parti. C'est parti, on retrouve les sœurs, les franchines. Non, ça c'est plus la fête foraine en fait, c'est la radio. Ah oui, c'est vrai. L'horreur de la radio fête foraine. Oh mon dieu. Allez, on est donc à la fin de ce podcast. Vous n'aurez pas entendu pourquoi je rigolerais, mais c'est pas grave, je rigolais. Du coup, on vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Moi, je voudrais remercier Eddie et Morgane d'avoir participé à ce podcast. C'était un plaisir de parler de cinéma avec vous, toujours. Voilà. On va rappeler vite fait tout où vous pouvez tout retrouver. Du coup, moviesnerd.net, c'est... le site où vous pouvez retrouver les émissions audio vidéo ainsi que les critiques écrites et d'autres choses. Vous pouvez nous contacter sur contact@moviesnerd. Sur les réseaux sociaux, c'est moviesnerd sur Facebook, movies_nerd sur Twitter, moviesnerd_officiel sur Instagram. Vous pouvez écouter et noter ce podcast sur PodCloud et iTunes. Ça nous aide à monter dans les classements. Et vous pouvez aussi également maintenant depuis un peu à écouter ces podcasts sur Spotify, Stitcher, Deezer, TuneIn, enfin toutes les applications de podcasting à la mode, voilà. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Vous pouvez, moi, personnellement, me retrouver sur Twitter Sens Critique, Movies Nerd, Instagram, TheLexal, THELEXAL. Morgane, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur la toile. Alors, moi, on peut me retrouver sur Twitter, @cinemorgan, sur Facebook si vous voulez, Morgan Sheridan. Mmh. Et j'annonce aussi, et là, ça fait partie des bonnes résolutions que je vais prendre. Je veux, parce que j'avais un ancien compte Sens Critique, et c'est vrai que Sens Critique, c'est très pratique. Donc plutôt que de tu refais un compte Sens Critique. j'avais dit que je voulais refaire un blog tout ça. Non, finalement, je ne ferai pas de critique vraiment, ou en tout cas pas des gros pavés. Tu sais que tu peux toujours venir écrire sur Movie Nerd de temps en temps, hein. Mais d'ailleurs, t'avais écrit sur le film. Ouais, j'avais écrit, mais je me trouve très mauvais. Voilà. Mais non, ouais. Je me trouve mauvais. Oui, bon, faut pas me voir moi. Ah non, au contraire, toi t'es très bien. Donc du coup, non, j'ai envie de répertorier un peu tous les films que je vois, tout ça, juste même si c'est que des notes. Donc pour janvier, il y aura un nouveau, plutôt que de reprendre l'ancien, parce que j'ai pas envie de repartir vers les vieux trucs. J'ai pas encore d'idée de pseudo, mais dès qu'il sera ouvert pour le mois de janvier, du coup, je vous communiquerai tout ça. Voilà. Très bien. Et du coup, si ça se fera pas, je pourrais te rebalancer deux extraits différents où tu dis. Promis. Je m'y engage. Ouais, très bien. Donc voilà, super. Et Eddie, du coup ? Eh ben moi, c'est sur Sens Critique, sur Movies Nerd, sur YouTube et comme d'habitude sur les réseaux, c'est Eastark partout. Parfait. Merci encore à vous tous d'avoir écouté jusqu'au bout. On vous donne rendez-vous très prochainement pour le Movie Nerd 53 qui sera sur les films de décembre. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne journée. Ciao. Salut. Ciao. Ce genre romance sans un silence pour sa cadence. Ta semence et l'insolence en abondance. Tu manigances, tes potes ne pensent qu'à prendre tes chances. Ta résidence est belle, c'est dense, je suis l'excellence. Mon ex me lance des piques d'émence.